assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Quel temps va-t-il faire pour nous le dire? C'est Dominique qui est là, bonsoir. Bonsoir, il y aura de la pluie ce soir. Une zone de pluie assez active d'ailleurs qui va arriver ce soir et la nuit prochaine à partir du littoral. Les minima afficheront 10 à 15 degrés. Le vent sera assez soutenu demain. Une zone de pluie qui va gagner le centre, mais il fera plus sec par contre sur l'est et le sud du pays, maxima 16 à 21 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. De nouvelles perquisitions en Belgique, à Arun, Bruxelles et Liège, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Deux personnes sont interpellées. Elles avaient des contacts suspects via l'application Telegram. Manifestation sans incident à Charleroi. 5000 personnes étaient sur place. Pas d'incident donc dans les rues de Charleroi ce matin. Attention, arnaque, le phishing, l'hameçonnage par mail ne concerne pas que les autres. Les cas de cybercriminalité sont en hausse. On tentera avec un spécialiste de vous donner quelques conseils pour ne pas vous faire avoir. La semaine de la mobilité qui commence avec cette recommandation: mieux vaut ne pas mettre de stabilisateur sur les vélos de vos enfants. C'est un spécialiste qui le dit. Le passage au vélo 14 pouces voire 16 pouces, donc les vélos dits à pédales, peut se faire de manière beaucoup plus naturelle et en se passant effectivement des fameux stabilisateurs. De quoi favoriser la mobilité à vélo. Du tennis et des médailles aussi en fin de journal. Sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. De nouvelles perquisitions la nuit dernière et des arrestations par les services antiterroristes de la police fédérale. Oui, des perquisitions à Arun, Schaerbeek et Liège. Un homme de 28 ans a été arrêté. Il est soupçonné de faire partie d'une organisation terroriste. Selon nos informations, il était actif au sein d'un groupe de la messagerie Telegram. Sur ses messages, il annonçait qu'il se préparait à commettre un attentat. La menace a été jugée suffisamment crédible par les enquêteurs pour décider de passer à l'action. L'individu était connu des services de police, mais pas jusqu'ici pour des faits liés au terrorisme. La deuxième personne interpellée est un des proches du jeune homme de 28 ans. Les deux personnes doivent encore être présentées à un juge d'instruction. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Vous passez votre vie sur le web, scrutez les réseaux sociaux, vous pourriez très bien vous rendre utile pour lutter contre le terrorisme, contre le racisme aussi. Oui, la Fédération Wallonie-Bruxelles entend former des activistes du web pour lutter contre la haine sur Internet. Elle pourrait même recruter de très jeunes gens. Le Bureau international de la jeunesse a déjà formé une trentaine de jeunes pour détecter, comprendre et signaler les contenus haineux présents sur la toile. Romain Bardet. Ils ont entre 18 et 30 ans, ce ne sont pas des professionnels, mais Internet, ils connaissent, tous bénévoles et volontaires, formés en mars dernier à détecter la haine sans prémunir et réagir. Donc la page où on est, il y a pas mal de commentaires irrespectueux qui ont été écrits par rapport à la photo d'un enfant syrien qu'on a tous vu circuler il y a un mois ou deux. Manu Ménil, du Bureau international de la jeunesse, qui coordonne le projet. Une fois qu'ils ont analysé le discours, ils peuvent mettre en place une stratégie de réponse, donc voir comment on peut reconstruire un discours alternatif ou alors signaler des contenus. Des activistes mais pas des justiciers du web, donc ils sont aussi protégés via de faux profils créés pour eux. Ce projet s'inscrit dans la campagne No Hate, pas de haine, lancée par le Conseil de l'Europe en 2013. Et ce projet belge pourrait en inspirer d'autres. D'ailleurs, des représentants de Google ont récemment rencontré le Bureau international de la jeunesse pour discuter des solutions d'avenir. Pour Manu Ménil, ce réseau d'activistes peut porter du fruit. Je suis sûre, vu que moi-même j'ai mené des actions d'activistes en ligne, et parfois réussir à faire retirer un contenu haineux qui a été partagé 1500 fois, ça a un impact considérable. 30 activistes aujourd'hui à Bruxelles et en Wallonie, mais demain davantage, avec le projet d'une formation en ligne, mais aussi la volonté d'étendre la surveillance aux jeunes dès 12 ans, encadrés par un adulte, autant d'ambassadeurs des droits de l'homme en ligne. Deux jeunes flamands sont toujours recherchés en France, deux jeunes nageurs de 21 ans. Ils ont disparu mercredi au large de la plage de La Palmyre, dans le département de Charente-Maritime. Ils participaient au festival belge Route du Soleil, un festival plutôt réputé pour ses excès. Les recherches ont repris aujourd'hui, mais l'organisateur du festival estime qu'il y a peu d'espoir de retrouver les deux jeunes gens. Les parents des deux disparus sont attendus ce jeudi à Bordeaux. L'affaire des numéros héroïne amie pour les étudiants en médecine est loin d'être réglée. Hier, Maggie Debloch, la ministre de la Santé, a confirmé que tous les étudiants de dernière année de médecine auraient leur numéro Inami, ce qui leur permet de consulter et de voir leur consultation remboursée. Ouf de soulagement pour les étudiants concernés, mais rien n'est résolu pour les suivants. Maureen Pierce, en tout cas, rentre en dernière année. Elle est étudiante à l'UCL, à Woluwe, déléguée de cours, et elle est soulagée. La première chose, c'était clairement, j'étais soulagée pour moi et pour toute mon année, parce que c'était un combat sans fin, et on est très content de voir un peu la fin. La nouvelle a voyagé très très rapidement. Pour vous, vous êtes sauvée, mais pour les étudiants qui vous suivent, c'est un peu plus flou. Oui, pour eux, ça doit être extrêmement stressant, parce qu'ils vont devoir, ils sont dans l'incertitude, comme nous jusqu'à présent. Et ayant vécu la chose, je peux vous dire que c'est un sentiment extrêmement désagréable. C'est horrible de se dire, ok, on fait 7 ans d'études, et puis en fait, peut-être que je vais faire médecin, peut-être qu'au final, je vais devoir faire quelque chose que je n'ai pas du tout envie de faire. Maureen Pierce qui entre en dernière année de médecine avec Vinciane Vautron et Marine Soudorf. Cela dit, le gouvernement fédéral a décidé de continuer à attribuer les numéros Inami en fonction d'une clé de répartition 60-40. 60% des numéros pour la Flandre, 40% pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette décision exaspère les francophones dans l'opposition. Seuls les libéraux au gouvernement estiment que c'est un bon arrangement. L'incident est clos entre le député libéral flamand Luc Van Biezen et son homologue socialiste Meriam Kitir. Hier, Luc Van Biezen a tenu des propos racistes à l'égard de la députée d'origine marocaine. Aujourd'hui, il a publiquement présenté ses excuses. Les deux députés se sont présentés ensemble dans le hall du Parlement. 5000 personnes à Charleroi ce matin. La manifestation organisée après l'annonce de la fermeture de Caterpillar s'est déroulée sans incident. Il y avait sur place des travailleurs du site de Gosselies, des sous-traitants, des délégués de l'usine du géant américain à Grenoble, mais aussi de nombreux hommes politiques. Reportage sur place, Grégory Phobe. Dans la manifestation, les drapeaux de la CGT ne sont pas passés inaperçus. Quelques délégués syndicaux du site français de Caterpillar à Grenoble sont présents. Une usine vers laquelle une partie de la production du site Carolo va être transférée. Mais pour Marco Lombardo, ce n'est pas spécialement une bonne nouvelle. On va récupérer les chargeuses à pneus. On les a eues à Grenoble. Elles sont reparties, c'est pas pour rien. Ils nous les redonnent. D'ici 3 ans, 4 ans, ils fermeront aussi. D'où l'importance d'être ce vendredi aux côtés des nombreux travailleurs du site de Gosselies. Joël Navet y travaille comme cadre. Ici, sur notre banderole, exprès écrite en anglais pour bien nous adresser aux principaux concernés. On leur dit tout simplement honte à eux. Éric Marès, lui, est venu à cette manifestation avec beaucoup de questions. Il travaille pour Carwal, un sous-traitant de Caterpillar Gosselies. En tant que sous-traitant, on est complètement dans le brouillard. On attend les décisions de Caterpillar pour savoir sur quel pied danser. Plusieurs entreprises ont aussi envoyé des délégations, ArcelorMittal Liège ou encore Aperam à Châtelineau. Éric Bonjean y est président de la délégation FGTB. Tout ce qui est multinational aujourd'hui, ce sont des rapaces. Un point de vue très dur à l'image des discours prononcé à la fin de la manifestation. On n'arrête pas d'avoir des pressions de ceux qui sont des donneurs de leçons et qu'ils nous disent qu'il ne faut pas quand même mettre les multinationales à mal parce qu'effectivement, c'est eux qui nous donnent du travail en Belgique. Mais de quoi on parle, quand même ? À la tribune, les responsables syndicaux ont par ailleurs à nouveau lancé un appel aux politiques pour qu'après les promesses, ils posent enfin des gestes forts et concrets. Attention au phishing, on en parlait hier de l'arnaque au bon de réduction de Colruyt. Oui, mais en fait, on peut tous être de potentielles victimes. Les cybercriminels utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées. On appelle ça donc du phishing ou du hameçonnage. En fait, un faux mail qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un mail de votre banque et vous voilà piégé. 352 cas de fraude entre avril et juin 2016. Avec nous, Rodolphe de Pierrepont. Vous êtes porte-parole de FEBELFIN, la Fédération des banques et des services financiers. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que les cas de phishing ou de hameçonnage sont en augmentation ces derniers temps ? Alors, ce qu'on voit effectivement sur le second trimestre de cette année, c'est qu'on a une augmentation en nombre, un peu plus qu'un doublement. On est passé de 145 cas au premier trimestre à 352 cas de fraude à la banque en ligne. Pour des montants impressionnants, 234 765 euros. Sur l'ensemble des cas. Donc en moyenne, ça fait un montant de l'ordre de 700 euros par cas en moyenne, mais avec des montants évidemment qui peuvent être beaucoup plus faibles ou beaucoup plus importants. Vous lancez un appel à la vigilance. Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est potentiellement victime de ces cybercriminels ? Alors, ce qui est important pour l'utilisateur, c'est d'être surtout attentif, d'être vigilant à ne pas réagir à de nombreux mails qui sont adressés, pas uniquement d'ailleurs pour des opérations financières, mais de nombreux mails qui sont adressés, soi-disant au nom de la banque, en essayant de soutirer des informations ou d'obtenir la carte bancaire en prétextant un remplacement. Il faut savoir qu'en Belgique, la banque ne demandera jamais de renvoyer la carte une fois qu'elle est périmée. On reçoit sa nouvelle carte, mais l'ancienne carte doit être détruite et ne doit pas être retournée à sa banque. En tous les cas, jamais mettre de coordonnées personnelles, les numéros de compte, les adresses. Avec ça, ils peuvent déjà faire beaucoup de choses, en fait. Hein. Effectivement. Donc, si on n'a pas de raison de partager ces données personnelles avec qui que ce soit, autant ne pas le faire, même son numéro de compte. Et en toute hypothèse, les codes sécurisés qui sont donnés par votre Digipass quand vous faites des opérations bancaires ne doivent être introduits que pour des opérations que vous avez faites vous-même et sur le site de la banque et pas d'une autre manière, certainement pas par mail et jamais sur des sites dont l'adresse pourrait ressembler au nom de la banque mais qui en réalité est un site info qui permet de dérober quelque part pour les faussaires des informations qui permettent ensuite de faire des opérations à votre insu. Alors ces cybercriminels sont parfois très forts, vous le disiez, ça ressemble vraiment à un langage qui vient de sa propre banque, les logos sont similaires, etc. Si on s'est déjà un petit peu avancé, qu'est-ce qu'on fait? On éteint l'ordinateur Alors si on a le moindre doute par rapport à une opération, par rapport à l'authenticité, on interrompt son opération et on prend contact avec sa banque. Mais le mieux est de partir toujours du site internet de la banque, de vérifier qu'on est sur le site internet sécurisé avec une connexion sécurisée et bien entendu d'avoir sur son ordinateur tous les antivirus à jour avant de commencer ses opérations. Merci. Si on a le moindre doute, on interrompt ses opérations et on prend contact avec son institution financière. Merci Rodolphe de Pierrepont, merci pour ces bons conseils. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de FEBELFIN, Fédération des banques et des services financiers. Une semaine consacrée à la mobilité. À partir d'aujourd'hui, on réfléchit à comment mieux se déplacer. Oublier la voiture en solo, par exemple, et surtout choisir d'autres modes de déplacement. Alors l'alternative vélo est bien sûr très connue. C'est difficile parfois avec de jeunes enfants. Ce soir, nous nous penchons sur la façon d'initier les plus jeunes au vélo. Julie Buron, l'Institut flamand de la mobilité, préconise carrément de retirer les petites roues stabilisatrices du vélo de votre enfant. C'est un petit peu radical, ça. Ah oui, c'est clair que l'idée peut effrayer certains parents, d'autant que l'idéal ne se limite pas à retirer les stabilisateurs, les pédales aussi s'en vont. On appelle ça une draisienne, inventée par Karl von Drais en 1817. C'était un vélo en bois sans pédales. Eh bien, c'est sur sa version moderne que les bambins devraient faire leurs armes. Pierre Lacroix vend des vélos à Mons depuis 20 ans et pour lui, la draisienne facilite l'apprentissage des tout jeunes enfants. Pour un enfant d'un an à deux ans, ça leur permet évidemment de trouver beaucoup plus rapidement leur propre équilibre. Forcément, puisqu'il aura déjà découvert et trouvé son propre équilibre, le passage au vélo 14 pouces, voire 16 pouces, donc les vélos dits à pédales, peut se faire de manière beaucoup plus naturelle et en se passant effectivement des fameux stabilisateurs. Alors, autre avantage non négligeable, les jeunes parents le savent, parfois leur progéniture rechigne à marcher. Eh bien, grâce à la draisienne, les distances parcourues vont pouvoir s'allonger en promenade. Voilà pour les principaux avantages. Bémol tout de même, la plupart des draisiennes ne sont pas ajustables, on ne peut pas y ajouter des pédales. Donc, au-delà de deux saisons, eh bien, votre enfant n'ira plus dessus. Alors, Julie, est-ce que c'est une mode de passage? On l'a déjà dit, la draisienne a tout de même 200 ans, une belle longévité. Ses vertus d'apprentissage de l'équilibre devraient lui éviter de tomber dans l'oubli. Et puis selon Pierre Lacroix, son succès est aussi lié à l'évolution des mentalités. Je pense qu'il y a un effet de mode, entre guillemets, qui est plutôt lié à une certaine conscientisation sur la mobilité en général. Et donc certains parents prennent conscience que l'apprentissage du vélo, donc en passant par la draisienne bien entendu, est quelque chose qui peut apporter un plus pour la mobilité en général de la famille. Et si vous êtes intéressé, bien il y a déjà des draisiennes pour des enfants qui mesurent 85 à 90 cm. Merci Julie. Une médaille d'or, une de plus pour la Belgique et de l'argent aussi. Oui, aux Jeux Paralympiques, Michèle Georges voulait l'or. Elle l'a eu en freestyle, c'est de l'équitation. Elle dispute encore une épreuve par équipe. Et puis Chris Bosmans, lui, remporte l'argent en cyclisme sur route dans la catégorie athlète présentant un handicap physique aux jambes. La Coupe Davis à présent, elle a commencé à Ostende. La Belgique affronte le Brésil. David Goffin remporte son premier match contre Montero. Darcy, lui, rencontre en ce moment Thomas Bellucci, Christine Anquet. Oui, et on s'en doutait, le deuxième match n'est pas aussi simple à gérer que le premier qui a été remporté par David Goffin. 6-2, 6-2, 6-0, très impressionnant et un score qui reflète bien la domination du numéro 1 belge. Cette fois-ci, le joueur brésilien Thomas Bellucci est mieux classé que le joueur belge Steve Darcy. Et c'est Bellucci qui vient de prendre l'avantage dans cette partie en remportant le premier set, mais le score a été très très serré. 7-6 et 7 points à 5 dans le tie-break. C'est Bellucci aussi, le tombeur de David Goffin aux Jeux Olympiques de Rio, qui avait réussi le premier break. Et Steve Darcy, l'homme des grands événements en équipe nationale, donc en Coupe Davis, est revenu immédiatement et il peut bien évidemment encore revenir dans ce match cette fois-ci. C'est en 3-7 gagnant, donc il peut encore se passer beaucoup, beaucoup de choses. Le premier set a été on ne peut plus serré, on vous l'a dit. Et Steve Darcy y a même gagné un point de plus que son adversaire. Vous allez me dire que ça n'a servi à rien. Un 7-0 donc pour le Brésil. Merci beaucoup Christine et vous restez bien sûr avec nous pour la fin de journée. Merci Manu pour ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Vous restez dans le coin. Je suis là. Parfait, je ne bouge pas. C'est gentil. Je tapote sur mon ordinateur. Ah ben tapotez, pas trop fort, parce que vous savez qu'après on reçoit des emails, oui, quand vous tapez trop fort sur le clavier. Je sais. 17h16, on part dans quelques minutes sur les routes. On va faire un petit point dans quelques secondes. Il y a quelqu'un au centre Pérex ou pas? Bien sûr qu'il y a quelqu'un. Ah bah super, ça me fait plaisir d'entendre une voix parce qu'on me dit il y a personne. Mais si, mais bien sûr que. Je pensais que vous étiez en pause café. Mais non, je suis là. Est-ce qu'il y a des soucis sur les routes alors? Eh bien oui, on a quand même pas mal de soucis du côté de Cherat sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle, comptait presque une heure supplémentaire depuis Lonsain en direction de l'Allemagne. Ralentissement à côté sur la 602 Lonsain-Chesnay entre Lonsain et Valbenois, comptait la 35 minutes supplémentaires. Coup d'œil sur les temps de parcours du ring de Bruxelles, c'est assez stable, 25 minutes en extérieur Zaventem Grand Bigard, 15 en intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Et puis on nous signale toujours des embarras de circulation au niveau de la rue d'Ostal dans les deux directions et sur les axes avoisinants. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vandenborre suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborre le fait. Vandenborre. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Bonsoir tout le monde, bienvenue si vous arrivez à l'instant sur Vivacité jusqu'à 19h comme tous les soirs. On va faire le tour de ce qui fait l'actu de la journée. Forcément aujourd'hui, en ce vendredi 16 septembre, c'est le début de la semaine de la mobilité. On y revient dans un instant. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Quel est le thème de cette année? Quelles sont les actions concrètes que vous allez pouvoir faire? On va faire le tour dans quelques petites secondes sur Vivacité. Bougez pas, on parlera tout à l'heure du championnat du monde d'escalade à Paris. Ça se déroule en ce moment, David Bertrand viendra nous expliquer tout ce qui se passe là-bas. On s'intéressera aux pom-pom girls aussi ce soir, parce qu'au Japon, figurez-vous qu'il y a une troupe de pom-pom girls du troisième âge. Si vous avez moins de 55 ans, vous ne pouvez pas entrer dans le club. On y revient tout à l'heure. Et alors chez nous, il y a des clubs de danse, mais pas possibilité d'être cheerleader jusqu'à ses 80 printemps. Alors qu'au Japon, ben voilà, il y a un club spécialisé là-dedans. À ce propos, quelle est votre passion? Le truc que vous ferez toute votre vie? 3063 pour me le dire par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Il y a d'ailleurs Fabrice qui est avec moi ce soir au téléphone. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Cédric. Bienvenue Cédric et Georges, on salue tout le monde. Bienvenue Fabrice dans le 5 à 7 sur Vivacité. Votre passion à vous, c'est laquelle? C'est les chiens. Les chiens? Qu'est-ce que vous faites avec vos chiens? Mais je fais des concours d'obéissance avec. C'est vrai? Donc vous les dressez et ils vous obéissent vraiment bien? Ouais. Je vais vous emmener à la maison parce que moi j'ai du mal. Mon épouse a été vice-championne de Belgique il y a quelques années. C'est pas vrai. Et moi, je commençais. Avant, on avait des golden retrievers, mais maintenant, j'ai repris un malinois. Et votre épouse, elle a réussi à vous dresser vous aussi, ou bien ça marche que sur les chiens? Oui. Vous faites tout ce qu'elle dit, quoi. Voilà, exactement. Bah alors, ça doit être une femme heureuse. Ouais. Ouais, oh, c'est un petit ouais, ça, quand même. Mais Fabrice, alors, merci. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose. Et le 9 octobre 2016, il y a le championnat de Belgique chez les Flamands, parce que je joue avec la région flamande. D'accord. Et je suis le seul wallon qui va les battre. Là. Alors, Espérons, on sera tous derrière vous. C'est le 9 octobre, je note la date, Fabrice. On espère que tout va bien se passer pour vous, que vous repartirez avec un trophée, une médaille. On gagne quoi d'ailleurs quand on est numéro 1? Un sac de croquettes? Une coupe. Une coupe. Pas beaucoup. Hein. Bah, c'est déjà ça, c'est sympa d'avoir une coupe. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, Fabrice. À bientôt. Et bonne soirée. Au revoir. Merci, oui. Si vous aussi, vous avez envie de partager votre passion ce soir, bah vous me dites, quelle est votre passion? 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 UACT RTBL. Je vous attends.

C'est intéressant ce que vous me dites parce qu'un des parrains de la semaine de la mobilité, c'est Luc Pire, l'éditeur, qui m'expliquait qu'avant, pour aller à Bruxelles, il habite Liège. Mmh. Et aller de Bruxelles à Liège, il y a 30 ans, il le faisait en voiture, il mettait une bonne heure. Ouais. C'était parfait. Il s'est rendu compte au fur et à mesure des années, en 30 ans, que son temps de trajet était de plus en plus long. Maintenant, en train, il met une heure en train, le train dans lequel il va travailler, dans lequel il va pouvoir se reposer, faire une petite sieste ou parler avec des amis. Alors qu'en voiture, ben voilà, il va s'énerver dans les embouteillages, arriver stressé, en retard, etc. Alors on n'est pas du tout en train d'idéaliser les transports en commun, ni les autres modes de transport, parce que rien n'est parfait évidemment, ni en Wallonie, ni à Bruxelles. Mais on se dit qu'un petit coup de pouce, essayer en tout cas de changer de mobilité de temps en temps, et pas spécialement tous les jours, mais pouvoir délaisser sa voiture de temps en temps, ça peut faire du bien à tout le monde. Et à propos de délaisser sa voiture, il y a un réseau qui s'étend, c'est le réseau de parking. Oui, il y a un réseau de parking qui devient de plus en plus important en Wallonie notamment. Ce réseau s'appelle le réseau de parking de covoiturage commode. Et le principe, c'est quoi? C'est de proposer, donc la région Wallonne a mis en place des partenariats avec des entreprises privées, notamment Ikea, Decathlon, Cora, etc., pour proposer qu'une partie des places de parking qui ne sont pas occupées pendant la semaine soit dédiée aux covoitureurs. On a mis en place aussi au sein de la région Wallonne des conventions avec des communes. On a de plus en plus de communes qui dédient une partie de leur parking aux covoitureurs, ce qui permet effectivement de se rassembler, par exemple le matin, de se donner un point de rendez-vous à Liège pour rejoindre Bruxelles, à Mons pour rejoindre Namur. Il ne faut pas hésiter à utiliser tout ça. Effectivement, on est en plein dans la multimodalité pour utiliser ce bon. Tout à fait. Notamment, Cyril, grâce à une application qui s'appelle Common, qu'on peut télécharger de manière gratuite sur Google Play et sur Android. Donc c'est super facile d'utilisation. Et maintenant, je voulais juste vous citer deux chiffres qui, moi, m'ont beaucoup parlé quand on a préparé cette semaine de la mobilité. Ah bah allons-y. On sait que maintenant en Belgique, on a 3 voitures sur 4 qui ne comptent qu'une seule personne à bord. Et on a fait des études qui sont menées par des scientifiques sérieux et tout, en disant que 10% d'autosolistes en moins, donc 10% d'une seule personne par voiture, permettrait de diminuer les files de 40%. Beaucoup plus modestement, si on avait 25% d'autosolistes en moins, donc plus qu'une personne par voiture, on pense qu'on pourrait mettre un terme définitif au bouchon. Je pense que ça peut faire rêver tout le monde. Ah bah ça peut faire réfléchir, effectivement. Ouais. Oui, je pense que ce qui était intéressant à dire, parce que moi je m'occupe de la semaine à mobilité depuis plusieurs années, c'est que les gens en fait sont de plus en plus conscientisés, je trouve, et de plus en plus prêts à adopter d'autres comportements, parce que voilà, il suffit, moi je suis maman de 2 enfants, c'est insupportable d'aller conduire les enfants à l'école simplement parce qu'on se retrouve coincé dans les embouteillages devant l'école. J'ai cru que vous alliez dire c'est insupportable les enfants. Non, mais ça dépend. Les miens sont évidemment merveilleux. En tout cas, on espère que ça ouvre l'esprit et que les gens vont pouvoir réfléchir à d'autres solutions. Et on aura l'occasion tout au long de la semaine de reparler de ces différentes solutions qu'offre la semaine de la mobilité. Merci beaucoup, Katel, d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Il est 17h27. On va revenir dans un instant avec la suite du 5 à 7, la suite de l'émission avec plein de choses qui arrivent, des cadeaux à gagner. Et on ira entre autres au Japon où les pom-pom girls du 3e âge ont un succès fou. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Ma femme a disparu de notre domicile tôt dans la matinée le 5 juillet. Pas de cadavre, pas d'arme du crime. Leur seul espoir, ce sont des aveux. Tu me demandes si j'ai tué ma femme ? Gone Girl, un thriller psychologique de David Fincher avec Ben Affleck, suivi de Company Men, ce lundi sur la Une. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat ATK. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Le soir présente le magazine Passion Voiture, spécial SUV. Petit, compact, grand ou prestigieux, zoom détaillé sur tous les SUV, mais aussi le point sur les prototypes et l'évolution du marché. Ce samedi 17 septembre, Passion Voiture, spécial SUV. Un magazine de 92 pages, gratuit avec le soir. Demandez-le à votre libraire. Coa, coa, coa sur la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Coa Coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Traverser l'Afrique ou parcourir l'Amérique? Lâchez-vous. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beau Vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé. Pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité, c'est avec Manu Delporte. Avec ces nouvelles perquisitions en Belgique dans la lutte contre le terrorisme, perquisitions dans la nuit de jeudi à vendredi à Arène, Bruxelles et Liège, deux personnes ont été interpellées. 5000 personnes dans les rues de Charleroi ce matin en soutien aux travailleurs de Caterpillar, pas d'incident à déplorer dans les rues de Charleroi. Or, argent et peut-être bronze, on aura peut-être les trois couleurs aux Jeux Paralympiques de Rio aujourd'hui. L'or d'abord avec Michel Georges en freestyle, c'est de l'équitation. Chris Bosman remporte l'argent en cyclisme sur route. Et on attend l'exploit en tennis. Joachim Gérard peut remporter le bronze s'il l'emporte contre le Français Oudé. La rencontre a commencé il y a une demi-heure. Pour l'instant, je suis cette rencontre sur Rovio pendant que je vous parle. Le Français Stéphane Oudé mène par 4 jeux à 2. Merci Manu. On suivra ça bien sûr dans l'émission. Tout à l'heure, il y a le journal des sports également. Il y a 17h32, on va tout savoir sur la météo grâce à Dominique. Et avec une zone de pluie qui va nous arriver ce soir et la nuit prochaine à partir du littoral. Les minima afficheront 10 à 15 degrés. Le vent sera soutenu en bord de mer et avec de bonnes quantités de pluie là-bas. Alors demain matin, la zone de pluie va s'épuiser sur l'ouest, donc sur le littoral, et va gagner par contre le centre. Elle sera un petit peu moins active. Le temps restera nuageux mais sec sur l'est et le sud du pays. Côté température, maxima 16 à 21 degrés. Dimanche matin, encore un peu de pluie sur le sud-est, mais on reviendra à un temps sec l'après-midi. Midi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais quand même assez nuageux. Maxima 17 à 22 degrés. Bon, week-end pluvieux et peut-être une semaine qui sera meilleure la semaine prochaine, c'est ça que j'entends. On parle d'un répit, d'un temps sec avant le retour de fines pluies par l'ouest en soirée. Ça y est, l'automne est bien là, le temps pourri est de retour. Sur les routes, comment ça se passe? Il est 17h33, c'est Antoine Binamet qui va nous le dire pour ce RTBF Mobile Info. Eh bien, c'est assez compliqué du côté de l'E40, Aix-la-Chapelle, enfin Bruxelles, Aix-la-Chapelle, au niveau du chantier de Cherat. On perd actuellement 50 minutes vers l'Allemagne entre Longsaint et Cherat. Ralentissement aussi sur la 602 Longsaint-Chesnay entre Longsaint et Valbenois. 35 minutes supplémentaires en direction de Chesnay. Au niveau du ring de Bruxelles, c'est assez stable. Vous perdez 25 minutes en extérieur. Zaventem, Grand Bigard et moins de 20 minutes, un petit quart d'heure entre Zaventem et Carrefour-Léonard en circulation intérieure. Et puis ralentissement habituel dans la plupart des tunnels bruxellois, notamment dans le tunnel arrière-centre en direction du centre. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Tout à l'heure dans le 5 à 7, je vais vous parler d'une nouveauté du côté de Bruges. Un tuyau avec 3 km de bière à l'intérieur, ça vous fait rêver ça quand même. Alors parce que on a dans les bars, on a parfois le mètre de bière. Vous imaginez là ces 3 km de bière. Alors c'est pas à boire comme ça, c'est un pipeline de bière en fait qui vient d'être inauguré à Bruges. On y reviendra tout à l'heure dans le 5 à 7. On fera le tour de toutes les nouveautés culinaires. Nouveautés culinaires, je vais arriver à le dire. Avec Candice Cotter qui nous rejoint tout à l'heure, on parle de sport dans un instant. Avec les championnats du monde d'escalade qui se déroulent à Paris. Et puis on ira au Japon aussi dans quelques minutes. Vous parlez d'une histoire assez dingue. Il y a un club de pom-pom girls du 3e âge. Quelle est la passion, justement, votre passion, que vous feriez toute votre vie, si vous le pouviez? 3063 par SMS, c'est sur la page Facebook 5 à 7, Vivacité RTBF pour me le dire. Il y a Alfredo de Mons qui est là au téléphone. Bonsoir Alfredo. Bonsoir. Bienvenue sur Vivacité, Alfredo. Comment ça va ? Bien, bien, je suis sur la route, mais ça va, j'ai trouvé un petit parking, c'est chouette. Voilà, soyez prudents sur la route. En plus, on est sur la semaine de la mobilité en ce moment. Et on nous dit bien, pas de SMS au volant. On compte sur vous. Vous n'avez pas envoyé votre SMS en roulant, Alfredo, hein ? Non, non, je partais de Mons, ça va. C'est va, c'est bien. Alfredo, vous avez une passion, vous, qui concerne les canettes. Tout à fait, depuis environ déjà 10 ans. C'est dingue, cette histoire. Ça m'a passionné dès le départ en tant qu'artiste peintre. Et en voyant comment je pouvais évoluer, j'ai été vers la sculpture, mais pas... Je ne voulais pas une matière traditionnelle et en voyant tout cet alt de couleurs dans la rue, je me suis dit là, il y a quelque chose à prendre dans cette matière et inévitablement, j'ai toujours des surprises avec les nouveautés, les nouvelles couleurs qui sont imprimées sur les canettes et je crée des sculptures. Ah bah c'est génial ça, vous avez des photos, on peut les mettre sur la page Facebook ? Bien sûr, bien sur mon site, hein, www.artdelongo, et pour l'instant j'expose à Tournai, le vernissage est aujourd'hui, ouais. Et il y a une vingtaine de pièces à la direction des voies hydrauliques de Tournai qui m'a invité gentiment, mais les Montois connaissent peut-être une des grandes œuvres que j'ai fait sur un rond-point au bois d'Avray, elle a été constituée avec plus de 30 000 canettes, ça ah ouais. C'est génial, voilà, donc c'est un grand cœur. C'est à l'image universelle, le cœur de la planète. J'ai voulu un petit peu transposer mon idée qu'il fallait faire attention à l'environnement. Ah bah c'est sympa. Et je dois dire ça. Que c'est même plus un projet individuel, c'est devenu un projet collectif. Plein de gens m'ont apporté des canettes. Et je dois dire que ça me porte énormément, puisque toutes les semaines, je reçois des sacs de canettes nettoyées devant mon atelier. Eh bah heureusement donc, que les gens vous en apportent, hein, parce que vous imaginez, si vous deviez à chaque fois boire tout, ce serait compliqué. On va partager votre site pour avoir toutes les infos sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Vous aussi, vous nous parlez de votre passion ce soir, 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Oh crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans ? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore S. Oliver. Info sur poincaré.eu. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rossin-Genèse. Point BE. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. À chaque moment de la journée, vos artistes préférés sont sur Vivacité. 17h-19h, 5 à 7, sur Vivacité. Ce week-end sur Vivacité, ne manquez pas, juste après le journal de 13h ce samedi, la nouvelle émission d'Origine Dubois et Christophe Grandjean, ça s'appelle La Semaine Viva. C'est une manière de décrypter l'actualité, comme ça n'a jamais été fait. On parlera entre autres du procès de Bernard Westphal qui a débuté ce lundi, et plus particulièrement de la constitution d'un jury d'assises. Comment ça fonctionne? Quelles sont les règles? L'impact sur la vie des jurés? On parlera de tout ça avec entre autres un témoignage de Philippe qui lui a été juré lors du procès du Trou en 2004. Plein d'autres thèmes, entre autres le bébé panda de Péridaïs qui a été baptisé. Est-ce que c'est vraiment super important pour le parc? Rendez-vous samedi dès 13h sur Viva. 5 à 7. Viva Cité. parler de sport tout de suite avec David Bertrand. Bonsoir David. Salut Cyril. Alors, on parle des championnats du monde d'escalade qui ont lieu en ce moment à Paris. Oui, à Bercy exactement, le temple du sport parisien évidemment. L'élite de l'escalade mondiale est sur place pendant tout ce week-end. Ça s'excite pas mal hein, dans le milieu de l'escalade parce que je ne vous apprends rien Cyril. L'escalade sera discipline olympique en 2020 aux Jeux de Tokyo. Ça a été confirmé au début des Jeux de Rio il y a quelques semaines. Et donc vu que tout sportif qui se respecte rêve de représenter un jour son pays aux Jeux, eh bien les grimpeurs de haut niveau qui sont souvent amateurs s'entraînent déjà dans cette optique olympique. Il y a 16 athlètes belges qui représentent la Belgique dans ces championnats du monde. Plusieurs épreuves évidemment. Hein. Rapidement il y a la difficulté, ça c'est vraiment les voies traditionnelles qu'il faut enchaîner comme on le voit dans les salles d'escalade pour caricaturer. Il y a le bloc, ça c'est quelque chose de plus technique, il n'y a pas de baudrier, pas de corde, ce sont des voies plus courtes et plus explosives. Et puis il y a la vitesse qui consiste donc à monter une voie le plus rapidement possible. Et puis le combiné qui sera d'ailleurs la discipline représentée au jeu, le bloc plus la vitesse plus la difficulté. Et là vous avez vraiment un grimpeur complet. Quoi. Vous êtes un warrior quoi, si vous faites ça. C'est ça, c'est un peu ça. La Belgique c'est une grande nation d'escalade ou pas? Bah oui, on se souvient évidemment des résultats hein, de Muriel Sarkany, l'âge d'or de l'escalade belge il y a déjà quelques années. La Bruxelloise a remporté à l'époque plusieurs grands titres internationaux, des Coupes du Monde, Championnats du Monde. Il y avait aussi à l'époque les sœurs Graftio et maintenant il y a une génération qui pousse, emmenée notamment par Harold Notet ou encore Loïc Timmermans. C'est cependant assez difficile de donner des chiffres de la pratique de l'escalade en Belgique puisque si vous présentez une salle d'escalade, vous pouvez le faire sans être membre d'une fédération et sans être affilié dans un club où vous pouvez simplement aller sur un rocher quelque part. Mais on compte quand même plusieurs dizaines de salles en Belgique. Hein. Alors, Cyril, oui. J'ai une petite question, une petite blague. Ah. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre une salle d'escalade et une mosquée? Je sais pas, on prend des risques à donner la réponse ou pas? Non. Non, bah, allez-y. Ça sent le pied. Alors donc il y a plusieurs dizaines de salles d'escalade en Belgique et plusieurs dizaines donc de milliers de pratiquants. Le club alpin belge par exemple compte un peu plus de 3000 membres, 10 000 pour la partie néerlandophone du pays. Et l'escalade se pratique aussi en salle hein, mais en falaise. On connaît les rochers de Dave, de Marche-les-Dames, de Freyr hein, au-dessus de Dinan. C'est un sport facile qui permet de travailler la souplesse, la force, la concentration, la confiance en soi, la dextérité aussi. Et puis c'est un sport assez accessible parce qu'il ne faut pas grand-chose pour aller grimper, un short, un t-shirt, un baudrier, des chaussons et c'est parti. Oui, bah après il faut des muscles. Est-ce qu'on a des chances de faire des résultats dans ces championnats du monde? Ben oui, justement, dès ce soir d'ailleurs, avec Elodie Orban, notamment les auditeurs et téléspectateurs de la RTBF la connaissent bien, elle avait participé au projet Cap 48 au Mont Blanc il y a 3 ans et après ça, elle est devenue championne d'Europe et puis championne du monde de handi escalade. Elle est championne du monde en titre d'ailleurs, elle est l'une des favorites pour la finale de tout à l'heure, ça démarre à 18h30, elle a une malformation à la jambe et elle grimpe avec une prothèse. C'est assez spectaculaire à voir. Il y aura aussi un autre Belge en finale en handi escalade aujourd'hui, il s'appelle Frédéric Leys et un peu moins de chances de médaille de son côté. Et puis demain, demi-finale pour d'autres Belges comme Loïc Timmermans dont on parlait, Loïse Doumont, Chloé Collier ou encore Anak Verhoeven, c'est la meilleure Belge sur la scène internationale depuis 2 ans. Elle a déjà remporté des médailles en Coupe du Monde en senior, dont la dernière il y a quelques semaines à peine. Elle est championne du monde junior, c'est une vie qui a vraiment une vie tout à fait particulière. La foi est très importante dans sa vie, elle consacre beaucoup de temps à la prière. Elle a 20 ans, elle est polyglotte, elle est autodidacte, elle vit dans une camionnette avec ses parents, comme ça elle se déplace un peu partout en Europe et dans le monde pour participer à des compétitions. Une vie très simple pour Anak Verhoeven, qui est vraiment un des phénomènes de l'escalade mondiale et qui sera peut-être demain soir championne du monde sur les traces, donc les traces glorieuses même de Muriel Sarkany. Ah bon, on suivra ça. Vous avez déjà fait, vous, de l'escalade, David? Oui, mais moi, je préfère l'alpinisme et tout ça. L'escalade en salle, à proprement parler, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis déjà content quand je fais un mur. Vous savez, à l'école, parfois, pour les fancy fair, ils font venir un mur de 10 mètres. Là, ouais. Ouais, quand j'étais au-dessus, j'avais déjà l'impression d'avoir gravi le Mont Blanc, vous imaginez? Ah ben voilà, bah, écoutez, c'est les sensations sont jamais bien loin. Hein. Non, bah, effectivement. Voilà. C'est juste que ma carrière d'escalade s'est arrêtée à ce niveau-là. Mais j'étais fier. Merci, David. On se retrouve tout à l'heure pour le Journal des Sports. Il est 17h43. 5 à 7. Cheerleader. On va parler de cheerleader justement ce soir dans le 5 à 7. Je vous emmène au Japon. Je vais vous parler de Fumi Takino. Fumi, elle a 84 ans et alors elle est la responsable d'un groupe de pom-pom girls, d'une troupe du 3e âge. Et alors le concept, c'est que si vous avez moins de 55 ans, vous ne pouvez pas rentrer dans son club. Et donc elles ont un véritable succès, ces pom-pom girls. Elles ont toutes entre 60 et 80 actuellement. Il y a une moyenne tout pile de 70 ans dans ce club. Et donc c'est assez dingue à 84 ans d'être encore pom-pom girl. On s'est dit dans l'équipe, tiens, est-ce que ça existe chez nous ? Alors, précisément, des clubs de pom-pom girl, il n'y en a pas. Mais par contre, on peut encore faire de la danse jusqu'à un certain âge. On va en parler avec Christian Verbeek. Vous êtes fondateur, gestionnaire et président de l'espace santé Nivelle. C'est une école de danse et justement, on peut s'y rendre jusqu'à 82 ans. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors, on peut s'y rendre jusqu'à 82 ans ou c'est l'âge de votre membre le plus âgé ? En fait, on devrait changer notre slogan parce que nous avons maintenant un membre qui a 84 ans. Ah ben, voilà. Il dépasse tout, là. Voilà, ça vous étonne, cette Fumi au Japon qui danse encore, qui est encore cheerleader à 84 ans ? Oui et non. En fait, bon, disons, chez nous, c'est peut-être peu envisageable à cause de notre mentalité. Mais j'ai déjà vu d'autres reportages au Japon où ils font des choses extraordinaires et où ils n'ont pas ce frein, on va dire, de l'âge. Et non, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais je crois que c'est plus une question de mentalité au départ. Vous pratiquez quoi comme sport avec des personnes, puisque là, il n'y a pas de cheerleader chez vous, mais vous pratiquez quoi jusqu'à 84 ans ? Pas de cet âge-là. Oui. On en a des cheerleaders, mais pas de cet âge-là, quoi. Effectivement, oui. En fait, chez nous, comme on fait à la fois la danse, la forme et le bien-être, mais disons, dans tous les types de cours, là où on a des enfants, on a aussi des seniors. Et les cours, bien sûr, sont typés rien que pour eux, ou parfois, ils sont mêlés à des moins seniors, des gens de 40-50 ans. Donc, ça peut aussi bien aller de... On va dire de la danse, les danses en ligne comme la danse country, la danse latino, les danses en couple de salon bien sûr, mais aussi parfois on a des gens de 65-70 ans qui continuent à faire de la danse classique à un très bon niveau. Et est-ce qu'on en fait assez quand on est plus âgé parce qu'il y a peut-être un âge, on se dit « oh bah ça devient plus compliqué, j'ai pas envie de me casser quelque chose ». Est-ce qu'on encourage assez ? Est-ce qu'il y a assez de plateformes comme la vôtre ? C'est vrai, en fait, c'est pour ça qu'on a développé à côté ce qu'on appelle le Formé Bien-être, où les cours sont plus contrôlés, donc avec soit des professeurs qui connaissent bien le travail avec les personnes moins jeunes, mais souvent, c'est parce que les gens ont stoppé trop tôt de faire une activité. Et donc là, c'est vrai que c'est dangereux. Par contre, s'ils ont continuellement travaillé, travaillé leur souplesse, surtout, ben, c'est accessible, c'est possible. Sinon, il faut une remise en douceur d'abord, et puis ben, pourquoi pas, le tout c'est de se sentir bien et d'avoir envie, et de ne pas vouloir refaire quand même à 80 ce qu'on faisait à 20. Fumi Takino, qui est encore pom-pom girl à 84 ans, ça vous donne pas des idées ? On va pas retrouver des pom-pom girls chez vous ? Ce serait bien, non ? Pourquoi pas, on en a de 20-25 ans, ça c'est l'âge maximum aujourd'hui. C'est peut-être une évolution, parce que des seniors, il y en a de plus en plus. Je pense que c'est une barrière, la société ne les favorise pas. Hein, la société est axée sur les ados, sur les juniors, et alors que les seniors, il y en a beaucoup, et il y en aura de plus en plus. Et je crois qu'ils doivent se défendre, ils doivent montrer qu'eux aussi sont capables de faire n'importe quel type de sport, adapté évidemment à leur âge et à leurs conditions. Eh ben, je vous lance le défi. Des décennies, hein, mais ça viendra. Christian, je vous lance le défi. On se rappelle dans quelques mois et vous nous présentez votre groupe senior de pom-pom girl. Allez, d'accord. On fait ça. Merci Christian d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour la suite de cette émission, il y a le cactus de Jérôme de Warzey qui va arriver dans un instant. Vous l'avez peut-être raté ce matin. Bah, ça tombe bien. Séance de rattrapage dans moins de 5 minutes. Et puis l'image du jour aussi qui arrive avec Jonathan Bras de Fer. Wallonie en fête oblige. L'avenir va joser, causer et déviser Wallon le samedi 17 septembre. La une du journal sera traduite en Wallon pour l'occasion. De quoi être binoche ou content, hein ? L'avenir de ce samedi 17 septembre, un collecteur Wallon à ne pas manquer. L'avenir est au contenu. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. La 2, en télé. Armé de bonne volonté, le service jeunesse de Scarbec enquête sur les familles en difficulté pour protéger les enfants. On laisse pas un enfant de 4 ans tout seul. C'est des faits graves, madame. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Vendredi soir, sur la 2. Vive à Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser, mixer, bouger. Je me suis dit, Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. Tous les soirs dans le 5 à 7, c'est l'image du jour. Et l'image du jour, je vais y arriver, nous emmène aujourd'hui aux États-Unis avec Jonathan Bradford. Bonsoir Jonathan. Yeah, good evening. Oh, avec l'accent. On va parler d'Hillary Clinton qui fait un grand retour, mais c'est quasiment un show son retour après sa terrible maladie. Ben oui, à 2 mois de l'élection, quelques jours après cette chute en Mondiovision, la candidate est remontée sur scène en Caroline du Nord sur le son de I Feel Good, le pouce levé, le sourire aux lèvres, la permanente parfaite comme d'habitude. Hillary is back, the show must go on. Pas le temps de toute façon de rester alité pour elle. Cette soirée marque son retour dans la campagne pour l'élection présidentielle. Alors il y a quelque chose qui a été bien travaillé aussi, c'est son discours, le discours de la candidate démocrate, puisque chaque mot compte dans une campagne comme celle-là. Et elle était attendue au tournant là. Ben oui, on l'a accusée de manque de transparence sur sa maladie, sa pneumonie. Des rumeurs circulaient aussi sur sa fragilité. Alors le discours devait marquer un grand coup, frapper les esprits. On imagine, hein, comme dans une série américaine, des dizaines de conseillers écrire, réécrire, corriger chaque phrase pour qu'elle sonne juste, qu'elle tombe dans le cœur des électeurs. Il fallait pas se louper, quitte à y aller lourdement, du style « Cette épreuve m'a rapproché des Américains, tous ceux qui travaillent dur pour soutenir leur famille, tous ceux qui sont tombés à terre et qui se relèvent. » Ou encore sur l'air de la présidente normale, « Rester chez moi est la dernière chose que j'avais envie de faire. Beaucoup de gens continuent à travailler en étant malades. Je ne voulais pas m'arrêter. » Ouais, bon, après, c'est sûr que c'est pas le moment pour elle de rester à la maison à l'heure où les sondages quand même inquiètent un peu son équipe. Ah oui, le temps file. On est à 50 jours de cette élection gigantesque. Son avance, elle s'est évaporée. En moyenne, les analystes lui donnent maintenant 1,8 point d'avance sur Donald Trump. Ils sont vraiment au coude à coude. Le milliardaire, lui, on l'a remarqué, hein, il s'est assagi, ouais. Il a changé son équipe de campagne. Hillary, elle suscite de moins en moins d'enthousiasme, même dans son camp. Et dans 10 jours, très attendu, c'est le premier débat, le face-à-face entre les deux. Ce sera évidemment un tournant. Et on suivra ça d'ailleurs tous les soirs dans le 5 à 7 avec une nouvelle séquence, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jonathan, à tout avec à l'heure dans plaisir. Le 15 minutes sur Merci. Les deux. Bon week-end, il est 17h52, voici ce qui s'est passé ce matin dans le 8-9 avec Benjamin Maréchal. Jérôme de Warze était là à 8h15 comme tous les jours pour le Cactus. Avec Jérôme de Warze, Jérôme, vous revenez sur la ministre fédérale de la Santé, Maggie Debloc, a affirmé jeudi soir que tous les étudiants actuellement en dernière année de médecine auront bien leur numéro INAMI à la fin de l'année. Parfaitement, Benjamin, quelle voix sonore. Pour les autres, en revanche, l'incertitude règne et puis la clé de répartition a été fixée à 60 pour les Flamands contre 40 pour les francophones, madame Debloc. Il y a 60-40, je sais, c'est injuste, ben mais oui. Il faut voir la réalité économique, démocratique, démographique en face de front du trou des yeux. Oui, ben je suis ravi de vous entendre dire que c'était injuste. Ah, y a ainsi impartial on doit être. Normalement, ça devrait être 90, hein. Quand on voit comment on allait cette région sinistrée qu'est la Wallonie, vous venez têter à notre pays, après vous voulez encore jouer avec nos mamelles. Non, mon frère, madame de Bloc. Mon frère. Ça y est. Le flanc stallerait. Ça n'est plus qu'un panda assisté à attendre qu'on lui jette des bambous pousses. Mais je suis d'accord qu'effectivement, 90, on peut discuter. Oui, ben ça, il me semble quand même un petit peu... Je pense qu'on peut aller jusqu'à 93,7, mais... voire 94,6. C'est quand même normal qu'on a besoin de plus de médecins en Flandre, hein, puisque nous, on travaille tous comme des malades. Alors que vous êtes juste tout le temps malade. Oui, bon, madame de Bloc, l'examen d'entrée en médecine, alors, oui ou non? Ma c'est-à-dire que l'objectif à court terme, c'est d'essayer de faire sa première année de médecine en moins de 10 ans. Bah, c'est la barreau, hein, quand même. Non. Vous savez, au début, les étudiants se passionnent pour la biologie, la chimie, mais après deux semaines, ils préfèrent l'alcool et les champignons pour être pomme patate dans leur tête. Oui. Le but, c'est vraiment d'essayer que les étudiants ne tuent son premier patient qu'après avoir eu son diplôme. Minimum. On va orienter plus les cours pour que les étudiants apprennent à bien masquer ses lacunes, oui, et surtout qu'ils fassent semblant de savoir ce qu'ils font. un peu comme vous finalement. Il y a juste un zéker, un plop de plop. C'est ça. D'ailleurs, quand elle était ministre de la Santé, Loretta Onkelinx a dû montrer qu'elle connaissait les premiers secours. Ah. On était bien pour entendre les battements du cœur. Et elle a mis un stéthoscope sur le testicule gauche. Oh ben ça n'aide pas, hein, ça n'aide. Mais il y a surtout que c'était un mannequin. Quand on lui disait que la patiente était avocate, elle se précipitait sur lui pour le réanimer en soufflant dans la vague. Monsieur Michel, vous en pensez quoi de ces numéros, une amie? Écoutez, faire médecine, c'est extraordinaire, vraiment. Vous vous rendez compte, prendre et traiter des maladies incurables et vendre des médicaments pour enrichir les actionnaires de Bayer. Ah oui, ça, c'est... Je trouve ça digne, oui, noble. Vous savez, moi aussi, j'ai fait des études de médecine avec une spécialisation. Ah bon ? Et vous êtes quoi ? Je suis nombriliste. Kuhn Gain, c'est également là ce matin, monsieur Gain. Non, je ne suis pas là. Si, vous êtes là. Non, je suis dans mon jardin de Brascat. Je bêche mes bégonias. Je ne suis pas là. Par pitié, ne me posez pas de questions sur une amie, sur les clés de je ne sais quoi en médecine, je ne sais rien. Non, monsieur Gain, écoutez, vous ne répondez pas. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Parce que c'est comme pour la justice, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Moi, j'ai même raté le test de grossesse. Je ne sais rien. Je sais rien. Non, ne me tuez pas, laissez ma famille tranquille. Allez. Si vous voulez de l'argent, je donne à vous. Bon, madame de Bloc, c'est quand même sélectif ces numéros, une amie. Hein. Yeah, mais il était temps de trouver des solutions. Hein. Déjà, à mon époque, je voulais qu'on me tire au bal de médecine. Je vous demande pardon. Mon numéro, une amie, hein. Je voulais qu'on me le tire au bal de médecine. Ah oui. Comme ça, c'était réglé pour l'année suivante. Oui, excusez-moi, j'avais pas... Ah oui, vous êtes sourd, hein, oui. Complètement sourd. Oui, bon, ça... J'aurais bien un diagnostic pour vous, mais montrez un peu votre main droite. Bon, enfin, madame de Bloc, parce que je viens d'écouter Christophe Grandjean, qui m'a bien dit que vous faisiez machine arrière. Yeah, je fais marche arrière, écoutez. Bon, pour le mot de la fin, alors, pour régler définitivement cette histoire, quelqu'un... J'ai une solution, hein, fille. Ah. Quand tout est bouché, papa redescend et débouche tout, bouteille et situation. Ah bon, monsieur Dardenne, vous nous manquez vraiment. Alors, votre solution. Alors, comme vous le savez, un étudiant sur 10 rate ses études à cause de l'alcool. Oui. Et ça, je ne comprends pas, moi, j'ai réussi grâce à ça. Hein. Bref. On n'a qu'à faire voir morceau tous les candidats à Messin et on aura juste le nom de lauréat souhaité, un rapport au numéro d'inamie disponible. Évidemment. Il y en a là-dedans. Et demandez-moi, hein, parce qu'à mon avis, un type comme Charles Michel, il a mis du temps à réussir ses études. Hein. Ouais, avec Fabien Le Castel. C'est beau la cornemuse. C'est une passion comme une autre. On parle de vos passions cet après-midi dans le 5 à 7. Je vous parlais de cette japonaise qui a 84 ans et toujours pom-pom girl. Quelle est la passion qui vous suivra toute votre vie? Vous me le dites au 3063 par SMS. Et il y a Simon de Martelange qui est avec moi. On va parler cornemuse avec vous, Simon. Oui, c'est ça, oui. Et c'est votre passion. Et alors, c'est pas que vous en jouez, c'est que vous la fabriquez carrément. J'en joue et j'en fabrique. Ah bah, c'est comment ça se fabrique, ça? Autour à bois, avec beaucoup de passion et de patience. Et la poche, là, le sac là, qui est rempli d'air, c'est vraiment des morceaux d'animaux? Parce que moi, j'ai entendu ça à une époque. Oui, c'est vraiment du cuir de vachette. Non, c'est pas vrai. Et quoi, vous soufflez dans la vachette? Oui, en gros, oui. Ah bah, c'est simple. Et qui vous commande des cornemuses? On en fait beaucoup encore aujourd'hui, en 2016? Ben oui, quand même, ouais. Ben, c'est des musiciens, en fait. Vu que j'ai un groupe de musique dans la musique médiévale, ouais. Du coup, ça fait un peu la pub pour mes cornemuses. Ah ben voilà, donc, effectivement. Et c'est des gens qui vous achètent ça pour en jouer réellement ou c'est parfois de la déco aussi? Non, ça fait un peu cher pour de la déco. Ça coûte combien une cornemuse? Ah, ça va de 600 à 4 000 euros. 4 000 euros? Mais alors il y a quoi? Il y a de l'or à ce prix-là? Bah, on peut avoir de l'argent dessus, oui. Ah oui, bah, comme quoi je disais pas vraiment des conneries. Non. Ah bah, c'est sympa la cornemuse. On peut trouver des concerts de cornemuse ou ça? Parce que j'en profite tant que vous êtes là, Simon. C'est quand même pas tous les jours qu'on en entend. Hein. C'est vrai. Nous, avec notre groupe de musique, on joue pratiquement tous les week-ends un peu partout en Belgique et en France. Ouais. Et donc, par exemple, on sera le samedi 1er octobre à Marche-les-Dames. 1er octobre, samedi 1er octobre à Marche-les-Dames. Voilà, si vous voulez aller voir Simon jouer de la cornemuse. On peut se remettre un petit coup de cornemuse ici dans l'émission. On n'en entend pas tous les jours sur Vivacité, voilà, c'est cadeau. Simon, en tant qu'expert, ça c'est une bonne ou une mauvaise cornemuse ? Je sais pas dire, je crois que c'est une écossaise à mon avis. Ah, parce qu'il y a plusieurs, origines. Oui. Donc. D'accord. Oui, il y en a partout dans tous les pays. Et ça fait pas le même son selon le pays ? Du tout. D'accord. Eh ben merci pour ces précisions, Simon. Je vous souhaite une excellente soirée. À très vite dans le 5 à 7 sur Vivacité. Pour la suite, ce soir, il y a des cadeaux à gagner dans quelques minutes. Restez bien là, ce sera juste après le journal de 18h. On continue à faire le tour de vos passions aussi. Quelle est la passion qui vous suivra toute votre vie ? 3063 par SMS, je vous attends. Et sur la page Facebook, 5 à 7 Vivacité RTBF. Dans moins de 15 minutes, on parle aussi du premier pipeline à bière. 3 km de pipeline, 3 km remplis de bière. Ça se passe à Bruges. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé, pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. La colère des étudiants en médecine, ils n'approuvent pas la clé de répartition des numéros Enami décidée par le gouvernement fédéral, soit la répartition entre le nord et le sud du pays. À leurs yeux, les néerlandophones sont avantagés. Les organisations étudiantes francophones accusent le gouvernement fédéral de communautariser les soins de santé. Vous l'entendrez dans ce journal. Peut-être un projet d'attentat déjoué. Hier, 3 perquisitions ont eu lieu à Bruxelles et à Liège. 2 personnes ont été arrêtées. Les détails dans un instant. En sport, un point pour la Belgique à la Coupe des en tennis, c'est David Goffin qui l'a ramené face au Brésil. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal des sports. Le journal sur Vivacité, c'est avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Les étudiants en médecine ne sont pas contents. Ils n'approuvent pas la clé de répartition des numéros Enami pour 2022, soit la répartition entre le nord et le sud du pays, décidée hier soir par le gouvernement fédéral. À leurs yeux, les néerlandophones sont avantagés puisque c'est 60% de numéros Enami de leur côté, contre 40% côté francophone. Les organisations étudiantes francophones accusent le gouvernement fédéral de communautariser les soins de santé au détriment d'une approche scientifique pour faire face aux pénuries. Elle pointe un péril grave à l'avenir pour les soins de santé, Marie-Paul Jeunhomme. Toutes ces fédérations d'étudiants dénoncent aujourd'hui une communautarisation du dossier Quentin Lamelin du Comité interuniversitaire des étudiants en médecine. Ce sont des décisions qui ont été prises par les Flamands, pour les Flamands. Toutes les décisions qui ont été prises avantagent énormément la communauté flamande et désavantagent la communauté francophone. Nous, étudiants francophones en médecine, ne nous sentons absolument pas défendus par l'EMR. Les fédérations d'étudiants dénoncent la nouvelle clé de répartition entre Flamands et francophones. En fait, on se cache sur le fait qu'on augmente légèrement les quotas, mais on refuse à côté une clé de répartition qui a été proposé par la commission de planification, qui pourtant répond vraiment à un réel besoin de médecins sur le terrain. Et rien n'est réglé pour les étudiants au cours de cursus. Actuellement, Maggie de Bloch, la ministre de la Santé, promet un numéro Enami pour les étudiants en dernière année. Pour les autres, elle procédera à une évaluation chaque année. Ça, c'est scandaleux. Maggie de Bloch a annoncé qu'elle remettrait le couvert sur la table chaque année. Chaque année, les étudiants se retrouveront dans l'incertitude. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas laisser des promos faire 6 ou 7 ans d'études de médecine et se retrouver chaque année dans l'incertitude d'avoir un numéro Enami au bon vouloir des Flamands. De nouvelles arrestations et peut-être un nouveau projet d'attentat déjoué par les unités antiterroristes de la police fédérale. 3 perquisitions ont été menées à Arens, Skarbek et Liège. C'est de nouveau la messagerie Telegram qui a mis les policiers sur la piste du présumé terroriste Fabrice Grosfilet. Oui, ces trois perquisitions ont eu lieu hier en fin de journée. Quatre personnes interpellées, deux d'entre elles ont été rapidement relâchées, mais deux autres sont actuellement toujours retenues et seront présentées prochainement à un juge d'instruction, précise le parquet fédéral. Au centre de cette opération de police, il y a donc un homme de 28 ans. Il est accusé de participation à un groupe terroriste. Selon nos informations, il aurait évoqué un projet d'attentat sur une chaîne de discussion de la messagerie Telegram. Une menace jugée suffisamment sérieuse et précise pour inciter les policiers à passer à l'action. Les trois autres personnes interpellées sont des proches de cet individu, un individu connu des services de police, mais jusqu'à présent pour des faits de droit commun. C'est la même technique de surveillance des groupes de discussion de la messagerie Telegram qui a déjà abouti cette semaine à trois interpellations en France, trois mineurs. Ces mineurs étaient tous en lien avec Rachid Kassim, un djihadiste français désormais basé en Syrie, qui est soupçonné d'être le commanditaire de plusieurs attentats ou projets d'attentats qui visaient le sol européen. Alors le couple interpellé hier en Belgique est-il lui aussi en lien avec Rachid Kassim? C'est l'une des questions à laquelle doivent désormais répondre les enquêteurs. Merci pour ces précisions, Fabrice Grosfilet. La semaine de la mobilité commence aujourd'hui en Wallonie et à Bruxelles. Partager la route, on s'y met tous, c'est le slogan de cette édition 2016. L'objectif, c'est de nous inviter à changer nos habitudes en matière de mobilité pour réduire notamment les embouteillages. Deux jeunes flamands toujours recherchés en France, deux jeunes nageurs de 21 ans. Ils ont disparu mercredi au large de la plage de la Palmyre dans le département de Charente-Maritime. Ils participaient au festival belge Route du Soleil, un festival réputé pour ses excès. 2000 Belges y participent actuellement. Pour eux, la fête continue, ce qui scandalise les riverains. Guillaume est l'un des participants belges. Il est joint par François Garit. Moi, j'étais sur la plage avec mes amis et puis on a entendu qu'il y avait deux gens qui étaient disparus. Il y avait des ambulances ici, il y avait de la police partout. Maintenant, toutes les fêtes sont commencées, toutes les activités. On ne sait pas vraiment quoi faire. On va faire la fête, mais il y en a deux qui sont morts. Il y en a qui disent on doit continuer parce que les deux jeunes ne voulaient pas que tout le monde était triste et que la fête était finie. Mais il y en a aussi que je sais qui veulent vraiment aller à la maison, qui en a marre, qui savent plus faire la fête. Précisons que ces deux jeunes flamands sont toujours recherchés pour l'instant. Il y a tout juste deux mois, la Turquie était secouée par une tentative de coup d'État. Des militaires ont voulu prendre le pouvoir à Istanbul et Ankara. En tout, 240 personnes ont été tuées et plus de 2000 blessées. Depuis, le pays vit sous état d'urgence, un boulevard pour le président Erdogan. En deux mois, il a fait le ménage dans le pays, Aline Wavreille. En deux mois, il y a ces chiffres impressionnants. 4600 soldats exclus de l'armée, près de 100 000 employés écartés de la fonction publique, 40 000 personnes arrêtées, militaires, policiers, magistrats, professeurs ou encore journalistes. Et derrière ces chiffres, il y a deux ennemis visés par le pouvoir. La plupart de ces personnes sont soupçonnées d'appartenir à la communauté Gulen. Du nom de l'imam Fethullah Gulen, réfugié aux États-Unis, cet ancien soutien d'Erdogan est accusé par le pouvoir d'être derrière le coup d'État raté. Et le pouvoir brasse très large. Les parcours sont scrutés. Un passage de quelques mois dans une école proche de Gulen peut parfois coûter très cher. La chasse aux sorcières vise aussi les Kurdes. Des enseignants ont là aussi été virés pour leur lien supposé avec le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Une vingtaine de mairies ont été placées sous tutelle de l'État pour les mêmes raisons. Certains parlent en Turquie de contre-coup d'État. Cette semaine, le célèbre écrivain turc Orhan Pamuk est sorti de son silence. La Turquie, selon lui, fonce vers un régime de terreur. Merci pour ces précisions, Aline Wavreille. 300 km à pied, en solitaire, en un mois, eh bien c'est l'exploit d'un Mouquenois de 39 ans. Louis-Philippe Lonck était seulement équipé d'un sac à dos pour parcourir le désert de Simpson en Australie. Un désert qu'on qualifie d'Everest des déserts. Cela dit, son aventure a été écourtée à quelques 135 km de l'arrivée. Louis-Philippe Lonck n'avait plus que 2,5 litres d'eau et 300 grammes de nourriture. C'est un peu peu. Bah, c'est un peu juste, effectivement. Vous feriez ça, vous ? Non. Non. C'est quoi la distance? C'est catégorique. La distance où vous dites non, ça je vais pas le faire à pied, je vais prendre un vélo ou une voiture. 100 mètres ça... Oh, comme vous êtes. 150, allez. Non, quand même, j'habite dans une ville où le piéton est assez roi. C'est vrai? Donc, non, un kilomètre, deux kilomètres, ça peut encore D'accord, aller. Bah, c'est déjà bien. Voilà. Merci Justine pour ce journal. Il est 18h07, dans un instant, c'est le journal des sports, mais tout de suite, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info avec Antoine Binamé qui est là. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Et même c'est même bien de mai en fait. Ah bah vous voyez, vous êtes déçu, non? Pas du tout. Mais non, pas du tout, bah voilà. Mais au moins je vous annonce correctement. On a l'habitude. Bon, allez. Vous savez, on n'arrête pas de me parler dans mon casque en me disant, ah bah un coup c'est un tel, un coup c'est tel truc, et puis tu vas devoir faire ça, et puis attention, on est en retard, on est en avance, et du coup je me mélange, voilà. Honte à moi, rien. Je vous laisse l'antenne. On a un gros point noir toujours en province de Liège, hein, ces perturbations très importantes sur le 40 entre Bruxelles et Aix-la-Chapelle, et en particulier à l'approche de la zone de travaux de Charade, vous perdez une cinquantaine de minutes. C'est conséquent, évidemment, ça coince fortement entre Alors et cette zone de travaux de Charade, c'est en direction de l'Allemagne. Ça reste également assez chargé sur l'A602 dans le sens Longsaint vers Chesnay. Notons par ailleurs un accident sur la Nationale 5 à hauteur de Frères dans le sens Couvin vers Charleroi. Le passage est difficile à cet endroit vers Charleroi donc. Sur le ring de Bruxelles, un accident nous est signalé en circulation extérieure à hauteur de Zaventem, c'est la bande de droite qui est neutralisée à cet endroit. Défile à l'approche du kilomètre 32.5. C'est en direction de Grand Bigard. Côté retard le plus conséquent, comptez 25 minutes environ. C'est le retard le plus important. C'est entre Zaventem et Grand Bigard, selon les indicateurs de la communauté Coyote. Et puis au cœur de Bruxelles, certains tunnels tournent au ralenti sur la petite ceinture, évidemment vers Kuckelberg et vers le midi, mais aussi dans le tunnel Van Praat vers la 12 et dans le tunnel Reyers vers le centre-ville. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Vivacité, le journal des sports. C'est avec David Bertrand. Et David, avant de rejoindre la côte belge pour parler de la Coupe Davis, direction Rio avec une nouvelle médaille d'or pour la Belgique aux Jeux Paralympiques. Oui, titre paralympique pour Michel Georges en équitation, catégorie freestyle. La cavalière hennuyère confirme son titre acquis à Londres il y a 4 ans. Il s'agit là de sa deuxième médaille dans ces Jeux organisés au Brésil après l'argent dans l'épreuve du team test. Elle qui disputera encore l'épreuve par équipe avec la possibilité là aussi d'une médaille. Et puis Chris Bosmans a lui remporté la médaille d'argent en cyclisme sur route dans la catégorie des athlètes présentant un handicap physique aux jambes. Il s'agit là de la 7e médaille pour la Belgique dans ces Jeux, 4 en or et 3 en argent. La 8e, elle pourrait survenir dans quelques instants avec le dernier match de Joachim Gérard dans ce tournoi olympique de tennis en chaise et donc la dernière chance pour lui de ramener la médaille de bronze. Le Brabançon est monté sur le cours sur le coup de 17h. Il est opposé au Français Oudet, numéro 1 mondial. Il a remporté le premier set 6-4 alors qu'il était mené 4-2 dans cette première manche. Et c'est 3-1 dans le deuxième set pour Joachim Gérard. On passe de Rio et les plages de l'Atlantique à celles de la mer du Nord. On se pose à Ostende où se déroule le match de barrage de la Coupe Davis. Match entre la Belgique et le Brésil. David Goffin a porté le premier point aux Belges. On va y revenir. Mais en ce moment, c'est Steve Darcy qui est sur le court pour le deuxième simple de cette rencontre. Christine Lanquet, bonsoir. Vous suivez ce match pour nous. Darcy a perdu le premier set avant d'empocher la seconde manche. Oui, bonsoir. Le premier set, il a été très très serré. Malheureusement, Steve Darcy, vous l'avez dit, il a perdu face au numéro 1 brésilien Thomas Bellucci, celui qui avait battu David Goffin aux Jeux Olympiques de Rio. Perdu donc ce premier set par Steve Darcy, 7 points à 5 dans le tie-break. Le deuxième set n'a pas été serré du tout, même si un jeu l'a été tout particulièrement. Un jeu long et disputé, c'était le quatrième jeu de ce deuxième set. Steve Darcy a fini par le gagner et il s'est ensuite envolé 6 jeux à 1 pour Steve Darcy qui a clairement pris l'ascendant. Il ne faut absolument pas relâcher l'étreinte. Steve Darcy qui a réussi le break d'entrée de troisième set et qui mène 3-1, 1-7 partout et 3-1 pour Steve Darcy donc. Le week-end avait commencé par la victoire très facile, très rapide de David Goffin sur le numéro 2 brésilien, Thiago Monteiro, 6-2, 6-2, 6-0. Un succès qui fait du bien à l'équipe forcément et qui lui a aussi fait beaucoup de bien à lui-même. Écoutez David Goffin. Ça me fait plaisir évidemment de jouer à un tel niveau. Ces dernières semaines, je n'avais pas réussi vraiment à faire un match aussi plein, aussi constant, au niveau du service, au niveau de mon jeu de jambes, au niveau de mon agressivité vraiment en fond de court. C'est sûr que ça fait du bien, ça prouve aussi à l'autre équipe que je suis en forme, ça aussi à mon équipe, à la Belgique, ça met vraiment, ça rassure tout le monde et Steve pouvait vraiment monter sur le court, relâcher et faire le match, le meilleur match qu'il peut. David Goffin au micro de Christine Anquet, qu'on retrouvera évidemment à 19h pour la suite de la première journée de cette rencontre entre la Belgique et le Brésil. Du foot, et après une semaine très chargée pour nos clubs belges sur la scène européenne, retour à la Pro League. Avec l'ouverture déjà de la 7e journée de championnat, une rencontre seulement ce vendredi, le déplacement de Malines à Charleroi et le retour au stade du Pays Noir de Yannick Ferreira, où le nouveau coach de Malines a débuté sa carrière d'entraîneur professionnel. D'un point de vue sportif, il s'agira d'une rencontre a priori équilibrée entre deux équipes qui connaissent un début de championnat teinté de mimétisme. 6 matchs, 3 victoires, 1 défaite et 2 nuls, égalité parfaite. Pour Charleroi, cette première défaite de la saison, elle a été concédée la semaine dernière au Sporting d'Anderlecht. S'agit-il pour autant de la fin d'une spirale positive? C'est la question posée par Christophe Reculé à Felice Mazou, le coach des Zèbres. Non, ça ne m'inquiète pas du tout d'abord. Ensuite, j'espère qu'à chaque fois qu'on va perdre, il ne va pas y avoir qu'une cassure dans le groupe, parce qu'alors il faut arrêter de jouer au football et on n'est pas Barcelone et on n'est pas le Real. Voilà, tout simplement, on essaye d'être les meilleurs possibles à chaque fois, on essaye d'avancer. Et vous savez, pour moi, une défaite est une victoire. Ça nous apprend beaucoup de choses. Ça apprend que voilà, on n'est pas encore au top, qu'il y a encore de la matière de travail. Et c'est une victoire dans ce sens-là. Maintenant, voilà, je ne vais pas vous dire non plus que je veux perdre à chaque fois et que ce serait une victoire à chaque fois. Mais si je veux la transformer en positif, on doit la considérer comme une victoire et essayer de rester positif autour et avancer avec les éléments qu'on doit améliorer. Charleroi-Malines, coup d'envoi 20h30, à suivre ce soir en direct sur Vivacité avec Ebi Brouzakis aux commentaires. Des nouvelles aussi de Youri Tielemans, touché à la cheville hier. C'était lors de la victoire d'Anderlecht face à Kabala en Europa League. Le milieu de terrain bruxellois souffre d'une grosse entorse à la cheville. Il sera indisponible plusieurs semaines. Ils s'appellent les Fancy Bears et ils ont agité le monde du sport cette semaine. Oui, les Fancy Bears, ce sont ces hackers russes qui ont piraté le site internet de l'Agence mondiale antidopage. Ils ont dévoiler les dossiers médicaux de sportifs comme les sœurs Williams, Simon Biles, la gymnaste, ou encore les cyclistes Bradley Wiggins et Chris Froome. Mais là où les pirates russes voient du dopage, rien ne prouve la tricherie. Les fichiers dévoilés, ce sont ce qu'on appelle des AUT, des autorisations à usage thérapeutique, des documents qui autorisent les sportifs à utiliser des substances a priori interdites pour un traitement médical. Pour éclaircir ce dossier compliqué, Damien Tréfoy a tendu son micro à Marc Franco. Il est docteur en éducation physique à l'UCL. Donc, ce qui a été publié, ce sont des AUT. L'AUT, c'est un système qui permet aux athlètes de se soigner sans être considérés comme dopés. Donc les athlètes qui ont un dossier médical qui leur permettent d'utiliser certains médicaments ont parfaitement répondu aux règles antidopage. Donc ils ne sont pas dopés puisqu'ils ont déclaré dans des procédures qui sont des procédures très complexes, très lourdes, qu'ils devaient être traités avec certains médicaments. Et puis, il y a des commissions, ce ne sont pas des individus, mais des commissions, qui statuent sur le fait de donner ou non un AUT. Il y a des règles, il y a 4 règles fondamentales pour donner des AUT. Il y a néanmoins une certaine partie d'interprétation. Et là, effectivement, on peut commencer à discuter quelque peu certaines de ces AUT. Normalement, quand on donne une AUT, elle doit restaurer l'état de santé et elle ne peut pas améliorer la performance. Et donc, quand on va sur ce site, je dirais que ce sont des AUT qui sont tout à fait classiques, comme on en donne partout dans le monde, et il s'agit simplement d'athlètes qui ont pignon sur rue. Il y a peut-être une ou deux AUT, effectivement, sur lesquelles on pourrait discuter. Voilà pour les explications. En bref et en basket, pour terminer, un club belge de plus en Coupe d'Europe et une première pour le Brussels. L'équipe bruxelloise qui disputera cette saison la première Coupe d'Europe de son histoire. Elle a été invitée à rejoindre la FIBA Europe Cup. Elle sera, cette équipe de Brussels, dans le groupe A de la 3e Coupe d'Europe en termes d'importance. Merci beaucoup David pour ce journal. Dans l'émission, on parle des passions. Vous, je sais que vous êtes un grand sportif. Est-ce qu'il y a une passion, un truc que vous ferez jusqu'au bout de votre vie? Boire et manger. Ça, c'est ma vraie passion. Mon unique raison de vivre. Une autre. Non, le sport, ça, c'est moi de manière générale. Je sais que je ne pourrai jamais m'en passer. Mais à choisir, parce que vous faites plein de trucs, vous. Si, un truc, dans le sport, c'est la montagne. S'il y a un truc que je dois conserver à tout jamais, c'est ça. Je peux montagne. Arrêter le basket, le trail, la course à pied, etc. Mais aller en montagne sous quelque forme que ce soit, mais idéalement quand il y a de la neige. Tout ça pour le jeûne épi, bien sûr. C'est ça, exactement. Merci. On ne trouve que l'été, malheureusement. J'y vais souvent l'hiver. Ah bah ça se boit aussi en... Ah oui, ça se cueille l'été, ça se boit l'hiver. Ah vous parlez de cueillir, moi je parle de boire. Merci David, bon week-end, il est 18h17. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Eh ben, on a encore pas mal de boulot jusqu'à 19h. Il y a des cadeaux à vous offrir. Je vous en reparle dans quelques minutes, c'est promis. On retrouvera Candiscotaire comme tous les soirs, juste avant le week-end, pour tout savoir sur ce qui se passe. Les dernières news concernant la cuisine, c'est donc dans un instant. Je vous parlerai aussi d'un pipeline, le pipeline à bière de Bruges. Il a été inauguré aujourd'hui. 3 km de bière. C'est un tuyau et à l'intérieur, il y a 3 km qui sont remplis de bière. Ça peut faire rêver. On en parle dans quelques minutes sur Vivacité. Et puis donc, ces passions, les passions que vous avez jusqu'au bout de votre vie, puisque je vous parlais d'une japonaise tout à l'heure qui est toujours pom-pom girl à 84 ans et elle compte bien continuer encore. Quelle est la passion que vous ne quitterez jamais? Vous me le dites par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. On va tout de suite au téléphone. Il y a une petite demoiselle qui est là. Elle s'appelle Florie. Bonsoir Florie. Bonsoir. Je dis petite demoiselle parce que tu as 9 ans, ça va bien Florie? Oui. L'école s'est bien passée aujourd'hui? Oui. Et alors toi, t'as une passion Florie, c'est laquelle? C'est la natation. Et à 9 ans, tu fais de la natation pour t'amuser ou t'es déjà en compétition? J'ai pas encore fait de compétition, mais je suis dans un club. Ah ouais, carrément. Et donc ça veut dire que dans quelques années, on t'accueillera dans le 5 à 7 ou dans le journal des sports pour parler des médailles que tu nous ramènes aux Jeux Olympiques? Ce serait pas mal. Faut encore attendre un peu. Oh bah, je suis sûr que ça va arriver bien vite. Florie, c'est quoi ta nage préférée? Parce qu'il y en a plein quand même. Le crawl. Le crawl. Et le papillon, t'arrives à le faire? Pas encore, c'est horrible le papillon. On a l'impression de se déboîter les épaules à chaque fois. Florie, je te souhaite plein de courage en natation, plein de succès. Et je suis sûr que dans pas longtemps, on t'entend dans le journal des sports. Je te fais des bisous Florie, à bientôt. À bientôt. Au revoir Florie. Si vous aussi voulez partager votre passion ce soir dans le 5 à 7, je vous attends 3063 par SMS. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Les 16, 17 et 18 septembre, la commune libre de l'île au Sacré vous invite à ses fêtes traditionnelles. Vendredi à 17h, ouverture officielle avec les Brussels Caledonians et Walcher and Dendervol. Samedi à 16h, les Gilles de la ville de Charleroi. Dimanche dès midi, ambiance de fête avec le groupe Saxafon. Les 3 jours, braderie rue du marché aux herbes. C'est la fête dans l'île au Sacré. Toutes les infos sur îlotsacré.be. Peugeot Olivier. Yeah. Venez découvrir notre nouvelle concession Peugeot à Tubize. Peugeot Olivier vous accueille dans son vaste nouveau showroom. Chaussée de Mons 377 à Tubize, à 2 minutes du centre. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du film. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Ah, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4 000 € d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Imaginez un long tuyau, un tuyau de 3 km et dans ce tuyau, il n'y a que de la bière. On pourrait rêver d'être au bout de ce tuyau. Alors, c'est l'usine d'embouteillage qui est au bout de ce tuyau. On va en parler de ce pipeline, 3 km de bière, donc inauguré aujourd'hui à Bruges. Et pour en parler, c'est Xavier Vanesse qui est directeur de la brasserie de Halvemann qui a justement mis en place ce pipeline. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Alors, aujourd'hui, c'était la fête à Bruges, puisqu'il y a un tuyau qui a été inauguré, ce fameux pipeline, qui transporte la bière d'un point à l'autre de la ville. Pourquoi est-ce que vous avez dû créer ce pipeline ? Eh bien, nous avons notre brasserie qui est au centre de la ville historique médiévale de Bruges. Mais il y a quelques années, nous avons construit un pipeline. Excusez-moi, une embouteillerie en dessous, en dehors de la ville. D'accord. Et c'est comme ça que, bon, aujourd'hui, on emmène la bière par camion-citerne de la brasserie vers l'embouteillerie. Des gros camions, bon, ça va pas très bien dans la ville. On a quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus écologique en plus. Ouais. C'est ça. C'est pas très écologique. C'est pas très sain. C'est pas très bon pour la sécurité. Donc voilà, on a cherché une solution un peu innovative pour solutionner ce problème. Et on s'est dit que souterrain, c'était le plus simple. Mais ça veut dire que vous avez dû faire plein de travaux alors pour faire passer ce tuyau. Ah oui, ben nous avons fait quand même pas mal de travaux, mais au sein de la ville, on a effectivement essayé de réduire les travaux, vraiment d'ouvrir les routes. Donc on a travaillé avec des forages souterrains, ouais. De sorte qu'on ne devait pas toujours tout ouvrir, toutes les ruelles, parce que... Ah ouais, ça aurait été compliqué. Ouais, c'était pas l'idéal non plus. Donc, mais on a quand même pu connecter alors quand même les deux sites, 3,2 km entre les deux sites. Donc voilà, aujourd'hui, ça y est. Eh ben ça y est, c'est lancé. Donc il y a plus de camions qui passent d'un point à l'autre directement. Les deux parties qui sont reliées. C'est-à-dire qu'on connaît les fuites d'eau parfois dans les villes, les fuites de gaz. On pourrait un jour avoir une fuite de bière. On pourrait se servir de bière directement du pipeline si un jour il y a un trou. Ah, ça c'est effectivement, il y a beaucoup de gens qui en parlent, et il y a beaucoup de gens qui pensent à faire une petite un petit robinet privé, mais on est quand même assez certain que ce sera quasi impossible de le faire, parce qu'on a quand même des profondeurs quand même de 2 jusqu'à 34 mètres. Ah oui, donc c'est foutu, ouais. Et on a aussi plein de systèmes de contrôle, donc s'il y aurait quelque part une fuite, on aura la possibilité de détecter ça immédiatement. Donc ça sert à rien d'aller essayer de faire un trou dedans et de se servir. Mais merci en tout cas Xavier, je rappelle que vous êtes le directeur de la brasserie de Halvemann qui a décidé donc de mettre en place ce pipeline de plus de 3 km pour aller du point de fabrication jusqu'à l'usine d'embouteillage. Merci beaucoup Xavier d'avoir été l'invité ce soir du 5 à 7. Il est 18h25. Pour la dernière fois cette semaine, on va passer une petite tête en cuisine, retrouver Candice Cotter. Bonjour Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Ce soir, place à un concept qui dépasse tout ce que vous pensez connaître de la chirurgie esthétique. Je vous parle de chirurgie alimentaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ta-da-da-ta-ta. Alors, YouTube regorge de chaînes food. Si vous avez déjà été sur YouTube, regardez un peu les trucs de recettes et tout, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses, mais ce dont je vais vous parler, qui est sur YouTube, c'est totalement unique. Il y a quelque temps, un YouTuber, donc comme il s'appelle, a explosé son nombre de vues en lançant The Food Surgeon. Le Food Surgeon, littéralement, le chirurgien alimentaire. Ouais. Donc, tout a été fait en gastronomie sur le net. Recettes, tests produits, papotes, etc. Là, il a trouvé un angle différent, d'où le succès. C'est un Américain, il propose des vidéos qui montrent des opérations chirurgicales opérées, donc gants bleus et scalpel à la main, sur des aliments de tous les jours. Vous avez de l'épluchage médical de clémentine, vous avez des autopsies, des dissections, des transplantations d'aliments divers. En gros, c'est Dr House plus Niptoc version food. C'est vraiment le bon mix. À ce jour, le gars comptabilise plus d'un million de vues. Donc, il a développé une gamme de merchandising. Le type devient richissime, mais a raison, c'est vraiment très chouette ce qu'il fait. Où vous trouvez tous ses outils, de la table d'opération au mortier. Donc, il y a un grand écart, mais c'est juste fabuleux. C'est absolument fabuleux. Il y a la chaîne YouTube, je vous ai mis sur vivacité.be le lien de la chaîne où vous avez toutes les opérations en live. Il y a même de la fécondation in vitro d'avocat. C'est vous dire. Donc, vraiment, le type, il pousse son truc très loin. Il y a un site internet thefoodsurgeon.com. Et dessus, il y a Twitter, Instagram, Facebook, vous avez tout ça sur vivacité.be. Et pour sa marchandise, il y a aussi un onglet sur son site internet, vous avez les références également sur vivacité.be. Même le t-shirt avec Food Surgeon, on peut l'avoir. Ça, c'est fort. Même que ça, on peut l'avoir. Et vous avez l'adresse de son dealer aussi à cette personne ou pas ? Il a je pense qu'il y a des trucs quand même. Il y a certainement deux, trois trucs. Merci Candice. Bon week-end, on se retrouve demain dans En Cuisine, demain matin, et puis lundi dans le 5 à 7. Et ici, ce soir, dans le 5 à 7, il y a des cadeaux à gagner. Ça vous dirait d'aller visiter le parc des Taupières à Durbuy avec des sculptures quand même assez dingues dans les buis. C'est vraiment magnifique, ça vaut le coup d'aller le faire. J'ai 4 entrées pour vous à vous offrir là maintenant, ça tombe avant 19h. Il suffit de m'envoyer Ravel, R-A-V-E-L, par SMS au 60-03 pour 75 centimes. Le message, bonne chance à vous. Juste après la pause et le journal de 18h30, on va partir au Québec, retrouver Bessac Arthur. Il a commencé son tour du monde musical. Sa première étape, c'est le Québec, on l'y retrouve dans un instant. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Ce samedi et ce lundi chez Brico, tout est à moins 15% avec la carte de fidélité Mon Brico. Moins 15% avec la carte Mon Brico. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Pour les makers, Brico. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil. Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaïsa, partenaire naturel de Cap 48. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kg de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordelt à Schaerbeek pour la fête des familles. À l'initiative de la commune de Schaerbeek et du gouvernement francophone bruxellois. Il est 18h30, voici les titres de l'actualité sur Vivacité, c'est avec Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Les suites de cette polémique hier à la Chambre, le député de l'Open VLD, Luc Van Biezen, a présenté des excuses publiques pour avoir prononcé, je cite, les mots blessants et offensants, retour au Maroc, à la chef de groupe SPA. Myriam Kittir s'est dite satisfaite qu'il reconnaisse ses torts. Elle considère que l'incident est clos. Elle s'est également réjouie que le député ait reconnu le problème et surtout qu'il a envoyé un signal clair soulignant que le racisme n'était pas permis. Du sport, beaucoup dans le journal, avec une 8e médaille belge à Rio. Joachim Gérard vient de remporter la petite finale en tennis en fauteuil. Il a battu le français Oudet 6-4, 6-2 et remporte donc le bronze. De l'argent aussi pour Chris Bosmans qui a pris la 2e place de l'épreuve de cyclisme sur route. Et puis Michel Georges a remporté l'or en équitation. En Coupe Davis, la Belgique affronte le Brésil en barrage du groupe mondial. 7-1-7 partout. Et la Belgique mène dans le 3e. On fera le point à 19h. Merci beaucoup Natacha. On vous retrouve tout à l'heure dans une petite demi-heure. Vous serez là à l'heure. Oui, je vais essayer. Je vais essayer. On compte sur vous. On va jeter un coup d'œil dans le ciel tout de suite. C'est la météo, Dominique. Avec une zone de pluie assez active qui va arriver ce soir et la nuit prochaine à partir du littoral. Minima 10 à 15 degrés. Le vent sera soutenu en bord de mer, il faut le noter, avec de bonnes quantités de pluie là-bas. Demain matin, la zone de pluie va s'épuiser un peu sur l'ouest du pays, mais par contre va gagner le centre en perdant toutefois un peu de son activité. Le temps restera nuageux mais sec sur l'est et le sud. Côté des températures, maxima 16 à 21 degrés. Dimanche matin, encore un peu de pluie sur le sud-est, mais puis on reviendra à un temps sec l'après-midi. toujours quand même des nuages et les maxima oscilleront entre 17 et 22 degrés. On part au centre Perex tout de suite à 18h33. C'est le RTBF Mobile Info. Comment ça roule, Adrien Demey? Toujours ces difficultés en province de Liège à l'approche du chantier de Cherade sur le 40 venant de Bruxelles en direction de l'Allemagne. C'est le tronçon entre Halleur et Cherade qui est fortement ralenti. 10 km de congestion trafic, une cinquantaine de minutes perdues sur cet axe vers l'Allemagne. Non loin de là, ça reste assez dense et ralenti sur la liaison à 602 dans le sens Longsaint vers Chennai. Par ailleurs, notons cet accident impliquant deux véhicules sur la Nationale 5 dans le sens Couvin vers Charleroi. C'est à hauteur de Frères que l'accident s'est produit et que le passage est difficile vers Charleroi. Sur le ring de Bruxelles, il subsiste un accident en circulation extérieure à hauteur de Zaventem au kilomètre 32.5. Cela ralentit le trafic évidemment puisque la bande de droite est neutralisée vers Grand Bigard. Du trafic ralenti sur le ring de Bruxelles et en retard maximum autour d'une vingtaine de minutes sur le tronçon entre Zaventem et Grand Bigard. Et puis pour le reste, c'est ralenti dans les tunnels habituels au niveau de la petite ceinture mais aussi vers le centre via le tunnel Reyers et vers la 12 via le tunnel Van Praat. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva jusqu'à 19h. 5 à 7. Dans un instant, dans ce 5 à 7, nous partirons au Québec. C'est la première étape de Bézac Arthur qui est parti faire un tour du monde musical. On revient sur son projet, sur cette première étape, donc dans un instant dans le 5 à 7. Je vous parlerai aussi tout à l'heure de ce que vous verrez ce week-end à la télé. Dans 7 à la une, il y aura un reportage exceptionnel avec Fiona Collienne. Elle sera là tout à l'heure pour nous en parler, qui parle des montgolfières. Saviez-vous qu'on fabriquait des montgolfières en Belgique? Bah, peut-être pas. On en parle avant 19h, c'est promis. Les enfants de cœur arrivent aussi. Et puis on parle de vos passions aussi ce soir. Quelle est la passion qui vous suivra toute votre vie? C'est la question que je vous pose par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF, puisque tout à l'heure on apprenait qu'au Japon il y a une femme de 84 ans qui est passionnée par son sport. Elle est pom-pom girl et même à 84 ans, bah, elle est loin de penser à arrêter. Alors vos messages au 3063, on me dit pour ma part c'est faire les doubles cinémas. C'est Benoît qui nous dit ça. Le poker, le seul sport où vieux, jeune, homme, femme ou handicapé, on peut s'affronter pour un titre de champion du monde. Les voyages sont aussi une passion qui me suivra toujours. Moi, ma passion qui me suivra toute ma vie, c'est ma petite femme que j'aime beaucoup. C'est Fred de Is The Game qui dit ça, c'est mignon Fred. Ma passion qui me suivra toute ma vie, c'est l'équitation, car je suis monté dessus dès l'âge de mes 6 ans. Un autre message qui parle de tracteurs. Ah ben, c'est vrai que c'est sympa, il y a plein d'enfants qui sont passionnés par les tracteurs. Notre passion est notre métier, notre supérette de proximité regroupant une cinquantaine de producteurs locaux et bio au Bio Village à Quevaucamp. Ben voilà, le message est passé. Si vous avez vous aussi une passion dont vous voulez parler ce soir, 3063 par SMS. Sous le ciel du Nord, je m'envole, je m'envole. Sous le ciel du Nord, l'orage vient, l'orage vient. Bézac Arthur est parti faire le tour du monde, un tour du monde musical. Sa première étape se trouve là où il fait froid en hiver, mais où il fait plutôt bon, je pense, en ce moment. Il est au Canada, il est au Québec. Bonsoir, Bézac Arthur. Bonsoir, ça bien, va bien? Bah ça va, et vous? Le voyage s'est bien passé? Ouais, très très bien. Là, on est là depuis une journée. On est resté à Montréal, et puis ce matin, on a pris la route ici pour Morin Heights. D'ailleurs, je sais pas comme ça que ça se prononce, à mon avis. Mais en tout cas, vous y êtes bien. Il fait voilà. Comment en ce moment au Canada? Il fait beau? Il fait chaud, froid? Là, c'est grand soleil, mais je crois qu'on doit avoir 15 degrés de moins qu'en Belgique. C'est un peu plus frais, quoi. Ah bah, nous, on a le froid qui arrive tout doucement. On est redescendu autour des 17-20 degrés aujourd'hui. Donc, Non, ici, on a la nuit, je pense qu'il va faire moins de 10, et en journée, on est entre 15 et 20. Bon, bah ça va. Au niveau musical, parce que c'est quand même ça l'idée, c'est que vous êtes parti faire un tour du monde pour enregistrer avec des artistes un petit peu partout. Vous avez déjà eu le temps d'enregistrer des choses, là, en une journée? Mais là, pour le moment, on est en train de voir une chanson, justement, qu'on va partager avec tous les artistes, et voilà, qui s'appelle Humans, et on voit ça avec Ariane Brunet, qui est une chanteuse canadienne, et avec Ian Kelly. On est en fait chez lui, ici, il a un studio magnifique au milieu des bois. C'est le début, en fait, du Grand Nord. On est dans le Nord. C'est un endroit vraiment magnifique, quoi. Il a construit tout lui-même, tout en bois, superbe. Ah bah, c'est tellement à la limite du Grand Nord qu'il y a des petits problèmes de réseau pour vous entendre correctement. Ouais, mais globalement, ça va, ça passe bien. Vous avez déjà eu l'occasion de goûter la gastronomie locale ou pas? Ben, la gastronomie locale, oui. Hier soir, j'ai mangé ma première poutine. En fait, c'est un plat national là-bas. Ouais. Et en fait, c'est des frites avec une sauce, comme une sauce chasseur qu'on dit chez nous, et du fromage mozzarella, mais frais, cru comme ça. Mmh. Ils appellent ça aussi là-bas le fromage cuic, parce que quand tu le croques, ça fait un bruit en fait dans la bouche. C'est assez étrange. Et c'est bon ou pas? Je sais pas si je peux me prononcer ça là-dessus, surtout qu'on m'écoute là. Non, vraiment. Alors moi, je peux le dire, pour l'avoir déjà goûté, mais il y a quelques années, c'est un truc, ouais. On le sent dans les fesses et ça reste longtemps, mais c'est vachement bon quand même. Oui, c'est goûtu et c'est vraiment un plat, local. Et moi, ça m'a plu, c'est accompagné d'une petite salade comme ça. C'est tu peux mettre plein de choses dessus, c'est très bon. Qu'est-ce que vous allez rechercher comme sonorité? On quitte la gastronomie là, mais justement, ouais. Pour votre album au Canada, qu'est-ce que vous cherchez comme sonorité? C'est quoi l'intérêt de s'arrêter là-bas? Ici, là pour le Canada, ben, c'était clairement le mélange en fait entre la. Pour moi, c'est la mélange de la chanson française et aussi la musique américaine. Et là, ils rassemblent vraiment les deux, quoi. Ils ont ce côté hyper développé au niveau musical et ce côté anglais quoi, qui me plaît beaucoup. Notamment Ian Kelly, lui, il chante principalement en anglais, donc il va aussi apporter ce côté-là, ce côté aussi un peu plus rock, etc. Donc, voilà. Il est à côté de vous, Ian Kelly, là? Oui, là, il est pas loin. Ouais. Vous pouvez nous le passer? Bien sûr. Parce que comme ça, on va entendre un petit peu d'accent chantant de là-bas, puis on va voir s'il est content de vous accueillir aussi, parce que ça se trouve, vous le dérangez. Bonjour, Ian Kelly! Oui! Ah, merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Il est sympa, le petit belge qu'on vous a envoyé, ou pas? C'est tôt un peu pour dire ça, je sais pas, je le connais pas beaucoup, ça fait quelques heures à peine qu'il est ici. Il est encore un peu timide, alors il se garde une petite gêne. Je sais pas si tout à l'heure il va être plus chiant, mais là ça va. À date, je le trouve très sympathique. Vous avez des trucs pour décoincer les touristes au Canada? Vous avez des petites spécialités locales qui peuvent détendre? Je pense à quelque chose d'un peu alcoolisé peut-être? Même si c'est moi je suis j'ai arrêté de boire, moi ça fait déjà un petit bout de temps. D'accord. Alors c'est pas ma spécialité, mais j'ai de la bière locale pour les invités et oui, il y a plein de trucs ici, on fait beaucoup dans la vodka et ces choses-là depuis quelques années. Ah bah d'accord, bah à consommer avec modération évidemment. Mais merci d'accueillir Bessac Arthur et puis on écoutera avec plaisir le résultat de votre travail commun. Bon travail alors, hein, puisque c'est ça, c'est du boulot. Hein, et sera on est là pour travailler. Pas question de faire la fête. Hein. On peut pas se parler trop longtemps là, parce que nous on a des chansons à faire. Eh bah je vous laisse bosser. Bonne soirée et on refera un point sur cette tournée, ce tour du monde musical de Bessac Arthur la semaine prochaine dans le 5 à 7. Et à propos de musique, voici l'histoire de Void, c'est Marc Toesca, Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Les auteurs de chansons sont-ils des devins? Lisent-ils dans les étoiles, les boules de cristal ou les entrailles de bestioles diverses? On peut le croire, car certains de leurs textes sont prémonitoires. Prenons par exemple Le Grand Chambardement de Guy Béard. Oh, celle-là, c'est une de mes préférées. Le 45 Tours sort au mois de mars 68, quelques semaines avant les barricades du printemps le plus chaud de notre histoire. La terre perd la boule et fait sauter ses foules. Voici finalement le grand, voici finalement le grand chambardement. On va en plein dans la zone de turbulence. Nous en viendrons en main. Des visages, des figures est un album très attendu de Noir Désir, le groupe à la pointe du rock français à l'aube des années 2000. Le disque arrive dans les bacs le 11 septembre 2001. On y retrouve Le vent nous portera et surtout Le grand incendie, un texte de Bertrand Cantat qui décrit une certaine idée du chaos et de l'apocalypse. Quelques heures plus tard, le premier avion s'écrase contre les tours jumelles. Ça y est, le grand incendie, y a le feu partout, emergency Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas dans le show, hommage à leurs pompiers. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle.

Chez Diffusion Menuiserie, les prix se mettent à tomber aussi vite que les feuilles. Des réductions à ne pas rater sur nos parquets, portes, dressings, lambris, escaliers, châssis et bien d'autres. Profitez de conditions spéciales jusqu'au 3 octobre chez un vrai spécialiste du bois pour votre maison. Diffusion Menuiserie. Diffusion Menuiserie à Cour Saint-Étienne et Gosselies. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Ma femme a disparu de notre domicile tôt dans la matinée le 5 juillet. Pas de cadavre, pas d'armes du crime. Leur seul espoir, ce sont des aveux. Tu me demandes si j'ai tué ma femme ? Gone Girl, un thriller psychologique de David Fincher avec Ben Affleck, suivi de Company Men, ce lundi sur la Une. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stgilles800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Le best-of des enfants de cœur, c'est dans moins de 5 minutes sur Vivacité. Vous les retrouverez ce dimanche aussi. Soyez là dimanche matin, comme tous les week-ends, sur Viva. Mais avant, on va parler de ce que vous verrez ce week-end à la télé. Demain, sur la Une, il y a C'est à la Une qui arrive, c'est à 18h30. Et au sommaire de C'est à la Une, entre autres, les montgolfières. On va en parler avec Fiona Collienne. Fiona, vous avez réalisé un reportage justement sur un des derniers fabricants de montgolfières. Quand je dis un des derniers, c'est même le seul, Fiona. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Ouais, c'est le seul en Belgique. Il s'appelle Patrick Libert, il est à Cours-Saint-Étienne. Il fait ça depuis un petit moment, hein, donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Mais c'est vrai que des fabricants de montgolfières, ben, il n'y en a plus que 7 en Europe et un seul en Belgique. Ah non, c'est pas grand-chose. C'est une profession rare, évidemment. Alors Patrick, il est tombé dedans tout petit. Je vous explique un peu. Ouais. Il avait 10 ans quand il a vu une première montgolfière moderne voler au-dessus de sa maison. Tout de suite, ça l'émerveille. Et alors, bon, il faut dire qu'il a un peu de chance, c'est qu'il a un papa dessinateur industriel et une maman couturière. Ça marche bien. Ouais. Oui, moi j'ai pas cette chance-là. Alors forcément, petit à petit, la famille commence à réparer des montgolfières et lui, bah, il veut en fabriquer. Et alors la première qu'il fabrique, c'est en 1983. Ça fait un bail et en 33 ans, bah, il a fabriqué une bonne centaine de montgolfières quand même pour des Belges, mais aussi pour des personnes à l'étranger. Et il continue hein, puisque chaque année, grosso modo, il en fabrique entre 2 et 8 par an, avec un peu d'aide quand même. Il a Denise et Federico qui font aussi de la couture à ses côtés. Ah ouais, ça doit être compliqué à fabriquer. Ah, c'est un sacré boulot. En plus de les fabriquer, il vole avec ? Ah ben ça, bien sûr, parce que c'est vraiment sa passion. Lui, il vole dès que possible. Pour le moment, c'est la bonne période. Peut-être que vous les voyez voler en fin de journée au coucher du soleil. Il prend des clients avec lui, ça fait partie de son activité. Mais parfois, il vole tout seul aussi, juste pour le plaisir. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'il vole dans des montgolfières qu'il a lui-même fabriquées. Donc, la boucle est bouclée et il sait très bien dans quoi il vole. Alors nous, on l'a accompagné une journée, on a vu son décollage, on l'a vu atterrir après une heure et on lui a demandé ce qu'il ressentait en fait hein, à l'atterrissage, comment est-ce qu'il se sent à ce moment précis et voici sa réponse. Ah là je suis vraiment, je suis au paradis en fait parce que il n'y a plus personne qui m'embête, je suis tout seul, je gère un petit peu la situation, mais surtout, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, il n'y a rien. Il n'y a rien qui m'embête, en fait. Et ça, c'est magique, on a vraiment l'impression de dominer un peu le monde. Et la Belgique est un bel endroit pour voler ? Ah oui, tout à fait. Parce que j'ai volé un peu dans tous les pays, mais je me rends compte que la Belgique a un avantage terrible, c'est que pendant le même vol, vous avez une diversité terrible. Vous voyez des bois, des champs, des maisons, des villes. Ce qu'on n'a pas dans certains pays où vous partez d'un endroit où il y a des champs et vous voyez des champs jusqu'au bout ou des bois jusqu'au bout. Ça, c'est un peu monotone. Tandis qu'ici, en un vol d'une bonne heure, vous passez au-dessus d'un tas de choses différentes et c'est toujours appréciable. Bon, on découvrira ça donc demain à 18h30 sur la Une. Fiona, juste une petite question quand même, parce que bah, il n'a pas 20 ans non. Et il est le dernier en Belgique. Enfin, en tout cas, il est tout seul. Il pense que ça va devenir quoi dans quelques années, son métier ? C'est pas évident. C'est vrai qu'il se pose la question parce qu'il le dit, il a vraiment connu l'âge d'or de la montgolfière entre la fin des années 80 et les années 2000. Depuis, il en vend moins, c'est certain. Il le voit d'année en année. Puis la météo aussi change beaucoup, donc on peut moins voler. Ouais. Donc forcément, il y a moins de turnover dans les montgolfières. salaire, ce qui fait qu'il ne sait pas du tout ce qui se passera après lui, si quelqu'un reprendra son activité. Mais ça n'a pas l'air de trop le préoccuper, parce qu'il dit on a eu la chance d'être là au bon endroit, au bon moment, on a fait ce travail-là, et puis après, on verra bien ce qui peut se passer, mais lui, il continue à voler et continuera à fabriquer ses montgolfières le plus longtemps possible. Et ben on le découvrira donc en images demain, 18h30, et il y aura quoi d'autre au sommaire de cette à la une, Fiona ? Alors, il y aura notamment une immersion un peu dans la Belgique post-attentat. Vous savez, vous avez peut-être entendu cette semaine, on demande aux commerçants de dénoncer des achats suspects, notamment en bricolage. On verra un petit peu comment se passe un petit peu ça pour les commerçants. Ouais. L'instantané, ce sera le comédien Bernard Hirles qui sera vraiment, qui nous montrera notamment ses photos. Et puis, on attend toujours Gilles Le Suisse. Et Gilles, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine ? Eh bien, il a suivi la fête du sacrifice, l'Aïd, avec des musulmans qui l'ont accueilli. On verra tout ça samedi. Rendez-vous donc demain, 18h30 sur la Une. Merci Fiona, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. 18h52, juste avant de retrouver les enfants de cœur, une news télé, Dominique, TF1 est en train de bosser sur un love story pour chat. Oui, effectivement, c'est ça le quotidien. C'est spécial. Le Parisien, qu'on apprend ça. Le groupe TF1 vient en tout cas d'acquérir les droits d'un format original intitulé The Secret Life of Cats. Ça a été diffusé sur BBC Two en Angleterre, une série de documentaires de 52 minutes qui filme 24 heures sur 24 les chats. Ça a cartonné. Et donc, l'adaptation française serait prochainement proposé, en tout cas. Ils ont acheté dans les prochains mois, sans doute ça apparaîtra. Donc c'est un concept qui propose la vie secrète des chats pour mieux comprendre leur comportement de jour comme de nuit et pour mesurer tout ça, les déplacements, les mouvements. La production de la BBC avait notamment équipé les chats de colliers GPS et de micro-caméras, donc vraiment tout l'équipement de petites choses secrètes. Et bien sûr, les chats, pour rassurer les amis des animaux, étaient suivis par des vétérinaires comportementalistes. Bon, on verra si ça arrive à la télé. J'ai hâte de découvrir le confessionnal. On verra s'il se trouve dans la litière. Aussi, ouais, il est 18h53. Voici le best-of des enfants de cœur. Les enfants de cœur. Mesdames et messieurs, voici donc le feuilleton Les Baraquis dans les rôles principaux. James Dino, c'est Kevin Josiane, la maman Baraki. Dominique Watrin, Kevin Oufti, l'amant de Kevin Josiane et Cody. Et Kevin Bryan, le fils Baraki. Aujourd'hui, en compagnie de David Bartholomé, les Baraquis sont à la mer du Nord. Kevin Josiane, Kevin Bryan, venez! J'ai trouvé un coin sur le sable où s'installer. Génial, t'y. En plus, il y a déjà une serviette de bain, un parasol et même un sac de plage. Ouais, c'est super bien organisé, les flamins, ils pensent à tout. Allez, je m'installe dessus, moi. Ben voilà, tu prends tellement de surface qu'on voit plus la serviette de bain maintenant. Que, déjà un truc qui me picote entre les fesses, là. Ben, ouais, tu t'es assis sur le parasol. Dis rien, Kevin Bryan. Pour une fois que ta mère a trouvé un stérilet à sa taille. Tu dis j'ai faim, y'a quoi dans le sac de plage? Ah super, un bounty. Tu dis il est tout dur. Ça fait des années que je rêve de t'entendre me dire ça, hein. Excusez-moi, mais je crois que vous êtes assis à ma place. Ah ouais, prouve-le. Eh ben, écoutez, c'est très simple, j'ai mes clés de voiture dans mon sac de plage, vous pouvez vérifier. Attends gros, je digère mal le bounty là. Je viens de faire un petit rototo. Comment est-ce possible que votre ventre fasse le bruit de mes clés de voiture ? Ah merde, c'était pas un bounty. Oh, mais c'est pas vrai ! Comment je vais récupérer mes clés de voiture, moi ? J'ai bien une idée, mais si je te la dis, ça va te couper l'appétit à vie. Oh, mais c'est vraiment pas possible. Vous êtes des rats, vous êtes des abrutis. Mais je vais appeler la police. Ouais, bonne idée ! On est à notre 10e arrestation. On a la 11e gratuite, il paraît. Bon, calme-toi, gros. Je vais te proposer une affaire en or. On a inventé un truc génial et on te propose de t'associer avec nous. Montre-lui qu'est-ce que c'est, Kevin Josiane. Attends, je l'enfile. Ça fait des années que je rêve de t'entendre me dire ça aussi. Elle fait quoi, là? Elle vient de passer sa tête dans un chapiteau de cirque. Ouais, c'est notre invention qu'elle va faire un carton. Vu que tout le monde parle du burkini, nous, on a inventé le burkini pour grosse baraquesse. Ouais, ça s'appelle le barakini. Le barakini? C'est une blague? Je vous dis que c'est un chapeau. Chapiteau de cirque. Eh hey oh, tu vas te calmer, toi. C'est pas un chapiteau de cirque, c'est un barakini, je te dis. Regarde, il y a même les poches sur les côtés pour ranger les carapils. Mais c'est quoi ça? Il y a un éléphant sous votre maillot. Bon, ok, c'est un chapiteau de cirque. Bon, d'ailleurs, évite de mettre les mains entre mes jambes. Pourquoi? Pour ça. J'en reviens pas. Vous vous croyez sur un pédalo à rabais ou quoi? Vous vous habillez avec un chapiteau de cirque. Vous avez un éléphant en dessous et vous avez un tigre entre les jambes. Et encore, je te dis pas où est-ce qu'elle a rangé le trapèze.